Merci pour ce rire poli, Guéguette. J'essaye de meubler. Merci pour ce très joli. Je t'en non, ça, c'est un restaurant. Doris, non, c'est un restaurant, ça. Ah ouais. Voilà. Excusez-moi. Pardon. Donc alors, je vous annonce que nous sommes donc officiellement perdus, puisque Doris ne sait pas vraiment où c'est. C'est sympa. Vous n'avez pas de GPS. Donc, si, il a un GPS, mais il est un peu perdu. On a un auditeur en ligne, sinon. Attendez, les amis. Il y a l'auditeur chez qui vous devez aller qui est en ligne. J'essaie de vous. Alors, jeune homme, il faut qu'il nous explique où c'est, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui travaillent et qui sont en train de faire des rapports sexuels dans les forêts. Vas-y, on peut le mettre en ligne ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, je suis en ligne. Ah. Bah, jeune homme, on ne sait pas où vous habitez, on n'est pas loin. Hein. Crie très fort, on est là. T'entendre. On est là avec nos énormes motos. Ouais, mais vous êtes devant le galion, l'espèce de gros bateau rouge. Ouais, c'est ça. Ben, j'arrive par derrière. T'arrives par derrière. Je savais qu'il y avait dis des trucs chelous. Dis pas ça dans le bois de Boulogne. D'accord, il arrive par derrière. Mais alors, ne dis pas trop où tu habites quand même, si tu veux pas qu'il y ait tout le monde qui vienne faire c'est la fête bon, à la station. Je vous vois. Ah, bah tu nous vois, bah, tant mieux, parce que nous, non. Non. Comment, Gay, Pietre? Pietre vient de nous dire, il y a un chemin. Ça y est, on vient de voir notre auditeur, les amis, c'est bon. Bon, Loris, vas-y à pied, cours. Ce qui est cool, c'est que maintenant l'émission est terminée, quoi. Oh non, les gars, on va visiter quand même. On a le temps, on a deux secondes. Combien de temps on est deux minutes. Dans combien de temps? 2 minutes. Ça va, 2 minutes, on peut retourner le bar, on peut dire bonjour. Voilà, attends, je suis en train de. Attends, excusez-nous. Allez, on te suit. Ah merde, c'était dans l'autre sens. Alors, on est dans l'autre sens. Mes poulets, ce soir, pour la première fois et pour avoir maintenant que nous avons repris l'antenne. Nous finissons l'émission chez un auditeur, ce qui est assez convivial, je trouve. C'est vrai, hein? Il y a un côté sympa. Alors que Margot nous a fait un très bon blanc tout à l'heure, qui, je pense, en 6 années de réalisation de Jérémy, n'est jamais arrivé. En plus, et tout ça parce faute. Qu'elle était en train de discuter. Elle disait, ouais, non, tu vois. C'est Guéguette, il me déconcentre. Ouais, c'est ça. Le... Pour de vrai, alors, c'est là, ça, mais en vrai, elle va prendre un tribunal quand même. Les amis, on est dans un truc chelou, là. On est au milieu des bois. À l'occasion, excusez-moi, c'est un traquenard, il y a 15 mecs qui nous attendent pour nous avoir un rapport sexuel de force, et je dirais non. La deuxième péniche. Là, mec, je sais pas où on est, les gars, là. Là c'est tout chelou. Il y a des gens qui habitent là. Oui, il y a des gens qui habitent là. Ah oui, c'est beau, les gars, on est sur le bord de l'eau. Oui, c'est le principe d'une péniche. Excusez-moi, nos auditeurs sont riches. Pardon, alors là, excusez-moi, mais nous avons des auditeurs qui ont... Quand de l'argent là, c'est joli une péniche. Par contre, faut rouler donc pendant 20 bornes quoi. C'est 20, on est depuis tout à l'heure, on est en train de rouler. C'est-à-dire, je sais pas, peut-être qu'il habite sur le trottoir, on est en train de traverser son salon. Allez, on est arrivé, ça y est, c'est bon. Ouais, vous êtes parti. Bon, comment est l'ambiance du public pendant qu'on n'est pas là? Ça va? Ah, ils sont bien. Je vais essayer de le garer là sans le foutre dans l'eau. Ah, c'est pas mon scout en même temps, hein, c'est celui de Loris. Tiens, Loris, viens le garer. Voilà, je vais faire un bon snap. Loris, ouais. Allez, je te le laisse. Attends, allez, prends-le, tu le tiens. Voilà. Non, tu le tiens pas du tout, là. Là, maintenant, tu le tiens. Voilà. Ça y est, attends, je dis bonjour à notre auditeur. Arthur, bonjour. Ça va? Ouais. En forme? En forme. Bon, allez, attends que c'est pas. Alors, mon gars, c'est pas le tout de dire qu'il y a à manger, il y a à boire dans ton frigo. Il y avait à boire. On va aller. Non, t'as dit non, tu as dit le frigo est plein. Souffle, il a pas dit le frigo est plein? Si, le frigo est plein, mais de boissons. Non, t'as dit le frigo est plein. Alors, entendu aussi. Il y a du champagne, il a dit. Viens, on va aller visiter. Alors, donne-moi une. Allez, viens, passe devant, c'est chez toi. Voilà. Donne-moi une GoPro si t'en as une. Voilà. Allez, je vais donc aller visiter. Allez, on y va, on est parti. Très bien, donc nous allons visiter, nous allons voir quel membre. Oh, là, effectivement, on est au-dessus de l'eau, les amis, hein, je vous le dis, on est chez notre auditeur. Très bien, ces petites lampes bleues, très classe. Très bien, la petite terrasse, excellent. Oh, très bien, les jeunes femmes nues qui attendent. Dégote. C'est ta mère, très bien. Allô? Bonjour, madame. Attends, vous êtes la maman? C'est pas vrai. Bonjour, madame. Ça va? C'est un bisou à la maman. Salut Victor. Ça va Victor? Ouais. Victor Arthur et très belle péniche. Hein. Alors le frigo il est où? Excusez-moi, je vais donc en live regarder ce frigo. Effectivement, vous êtes. Oh merde! Guéguette! Quoi? Ces gens, ils sont pas comme nous, ils mangent liquide. Et il n'y a c'est bien que pour ton de régime. L'alcool dans le frigo, il n'y a rien à manger. Pietre! Ben ça va plaire à Pietre, voilà, c'est ça. Mais Pietre, il a jamais vu ça de sa vie, il n'y a rien à manger, il n'y a que du jus. Il n'y a que du... Incroyable. Bien, c'est là-dessus que nous allons vous souhaiter une bonne soirée. Julie ! Il n'y a que du liquide. Elle est déjà bourrée, elle. Ils ne mangent pas, ils boivent. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour là, Victor. Santé. Santé, non, pas santé comme ça, mais qui fait santé. Je vous embrasse. Touffe, toi qui es au standard, tu es en train de rater donc le frigo de tes rêves. J'arrive. Mais on arrive là. Hein. On arrive. Hein. Voilà. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Et là, on va y aller. Là, c'est prêt. Avec voilà. Vous ce soir. Voilà. Arthur. Oui, ça va très bien. Bon bah. On va se dire bisous là-dessus parce que c'est le bordel. On se retrouve demain. On a kiffé le retour. Ciao. Ça y est, ils sont de retour, en forme, bronzés et prêts à tout pour cette nouvelle saison. Ils ont tous passé de très bonnes vacances, mais ils commençaient à s'ennuyer sans vous. Guillaume se réveillait en pleine nuit et parlait tout seul. Bah attends, t'as l'air un peu sur le nerf, alors que mon petit j'entends avec toi, c'est vendredi, c'est de faire la paix. Julien le stagiaire, en plein repas de famille, s'est mis à parler comme dans le jeu des pervers. Tu veux un peu de poulet, Julien ? Il sent bon. J'adore. JM du standard, le Marseillais, est allé en plein milieu de la pelouse du stade Vélodrome pour tester ses blagues. Alors c'est deux potes qui parlent, il y en a une qui dit à l'autre, je suis dégoûté, je suis rentré chez moi, j'ai vu ma femme faire l'amour avec un espagnol. Et là son pote il lui demande, il lui dit, ouais, qu'est-ce que tu lui as dit ? Et le mec il dit, mais rien, qu'est-ce que je lui dise moi ? Je parle pas espagnol ! Flo Decado, quant à lui, est allé à un défilé de mode à Milan, la capitale de la mode. Il a voulu marquer l'événement en y imposant son style. Visiblement, certains Milanais n'ont pas apprécié son passage. Tout l'été sans vous, ça a été long. Mais nous sommes enfin réunis à partir de maintenant et on ne se quitte plus. Nous ne sommes qu'un. La meilleure émission de France est enfin de retour! La seule création unique et originale! La sixième saison de Guillaume Radio 2.0 recommence ce soir! 6 ans que nous sommes ensemble tous les soirs! C'est ici qu'on vit nos plus beaux fous rires! C'est ici qu'on se crée les souvenirs de demain! Nous sommes plus d'un million chaque soir, tous réunis pour une seule chose, vivre des moments uniques! Tous ensemble, nous sommes plus forts! Aucun de vous ne sera laissé pour compte! Vous êtes chez vous! Tous les soirs, du dimanche au jeudi, de 22h à minuit, nous prenons le contrôle de la plus grande radio de France! Aucune émission n'a jamais réussi à créer ça! Nous sommes invincibles! Nous sommes Guillaume Radio 2.0! Tout recommence maintenant! Dans 5, 4, 3, 2, 1! C'est reparti, 22h05. Putain, ça fait un mois et demi qu'on n'a pas fait de radio. Je peux vous dire que ça nous avait énormément manqué. Trop content d'être là avec vous la soirée sur Énergie. De 22h à minuit, une heure de moins, mais encore plus de trucs à l'intérieur de l'émission. C'est-à-dire que ça va être plus court pour qu'on fasse encore plus intense. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas, les copains, bien content de vous retrouver. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Le standard est allumé. 0800 70 42 48. C'est le même numéro qu'avant. Il n'y a rien qui a changé. Je vais vous représenter toute l'équipe si vous tombez pour la première fois sur nous ce soir. Sur le standard SMS qui fonctionne aussi. Il faut juste commencer les textos en envoyant Guillaume au début. Guillaume et votre message au 6 11 12. Énorme. Salut en voiture avec Mimi. Bonsoir Val du 59. Bonsoir, bonne rentrée même si ça fout le seum en espérant que vous allez me remonter le moral. Bonsoir Emilia. Content de te retrouver. Je t'aime. Salut Thomas Frappier. Bonsoir les mecs. Et bah, balancez les petits messages. Mettez hashtag le retour de Guillaume sur Twitter. On fait tourner le truc. On se fera Zao tout à l'heure qui arrive avec MHD. On se fera laisser les Kuma. C'est marrant parce que c'est une sorte de truc où c'est un peu comme le vélo. Ça ne se perd pas la radio. Mais c'est quand même bizarre parce qu'il y a beaucoup de boutons quand même. Et je suis un peu limite à me tromper là. Allez, je vous représente l'équipe si vous la découvrez ce soir ou si vous la connaissez. On les retrouve ensemble. Il y a Julien, le stagiaire qui est là. Ouais, je suis là. Salut Guillaume. Salut tout le monde. Et il a passé de bonnes vacances. Ah, de très bonnes vacances. Ah ouais, il y a plein de choses. Ouais. Il va nous raconter enfin, ça après. Ouais. Si tu me croises, fais un vœu. On sera de nouveau soprano là, en feu. Si tu me touches, fais un vœu. Car moi ce soir, je Content de vous écouter. Fait chier que deux heures avec vous, Cyril du 71. Je te jure, mon pote, tu vas voir. On l'a fait pour une simple et bonne raison. Je vais t'expliquer juste après. Bonsoir, Guillaume du Standard. Salut, Guillaume. Salut, tout le monde. Ça va bien les vacances? Je suis trop content de retour. Restez autant. Putain, attendez que ça. Eh, je vous mens pas. On est dans les studios depuis 19h. Ouais, c'est vrai. On est impatient. Mais c'est vrai, il est 22h07. On est en direct. Et on est là depuis tout à l'heure. Là. Il est là, le vrai. Il est là. Ah. Voilà, on vous aime. Content de vous retrouver pour une semaine, ma semaine de nuit. Gros bisous. Ça fait un bail. Big up à vous. Salut. Énorme. Salut, Guillaume. Guillaume et votre message. Vous commencez le texto par Guillaume et vous le balancer au 6-11-12. Bonsoir à Flo des cadeaux. Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va bien tes vacances? Ouais, nickel, hyper content d'être dedans. On a des cadeaux à offrir là, t'as récupéré des trucs ce matin déjà? Des PS4, des iPad Air 2, des enceintes Bluetooth Bose et des bracelets Fitbit. Ah, ça te va tellement bien. Ça va, Julia aussi qui est au standard ce salut soir, ça monde, va? Salut tout le monde, salut Guillaume. Ah, on va faire un truc. Non mais en plus j'ai déjà fait une émission qu'avec elle. Ouais, c'est vrai. On avait fait des essais etc avant l'été. Julia, on va faire un. Je vais vous la présenter la Julia qui sera avec nous cette année. Je vais vous la présenter. Vous allez pouvoir. Alors je sens que ça va partir en couille, mais enfin. C'est sûr. Vous allez pouvoir me laisser un petit message au standard. Voilà, vous envoyez Guillaume au début. Guillaume et le message en 6-11-12. Si vous voulez venir poser une question à Julia, savoir d'où elle vient, quel âge elle a, si elle est avec quelqu'un, comment ça se passe, ça vient faire un avis. Histoire de la connaître, on pourrait appeler ça Julia face à la France. Ah oui, elle se dévoile. Des trucs comme ça là. Ouais. Enfin le retour des meilleurs, je suis tellement content. Gros bisous et un salut de la part de François. Salut Guillaume, salut les mecs. Je vous ai attendu tout l'été. Oh là là, c'est trop bien de vous retrouver. Bonsoir Mathis du 37. Bah, on est là. Il manquait les invasives, ça fait du bien de rentrer de vos voix. Je vous aime. Salut Karine du 35. Bisous. Trop contente qu'il y ait Julia dans l'émission. Elle est trop cool et en plus elle est méga fraîche. Salut tout le monde, content de vous retrouver. Te la raconte pas Julia non plus. C'est un compliment, c'est très sympa. On va te calmer. Merci pour les choses sur LED. Salut les potos, bande de feignasses. Oh nous les routiers ont bossé, on va pas écouter derrière les chansons. Salut Tom le Viking, salut bisous d'amour à la nouvelle Julia, mort de rire. Elle est énorme l'intro, tellement content de vous retrouver. Alors attention, on n'a pas passé un mois et demi à ne pas travailler. Déjà 15 jours qu'on est dans les bureaux. Et même quand on est parti au mois de juillet, on est resté 3 semaines dans les bureaux, etc. On a pris moins de vacances que l'année dernière, faut le savoir. Ah c'est vrai, ouais, même si on s'absentait plus, on a eu moins de vacances qu'il y a rien parce qu'on voulait un petit peu développer, faire innover. Des nouveaux jeux. Il y aura des nouveaux jeux alors qu'ils vont commencer un petit peu tous les soirs. Il y aura des nouveaux jeux des hôtels, on terminera par un jeu des hôtels tout à l'heure. Il y aura le jeu des faits divers, ça on le garde. Le lundi, Flo des cadeaux nous raconte 10 histoires de meurtres atroces sur Terre. Je vous mettrai une petite musique. Non mais c'est vrai, mais c'est ton plaisir. On va se faire peur, alors, Ce mec est quand même un peu bizarre. Une petite musique comme ça. Je mets une musique qui fait un petit peu peur. On le fera tout à l'heure. Et il va devoir raconter une histoire de meurtre. On va prendre deux d'entre vous, il faudra savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Les pervers, il y aura des petites modifications. Demain, je me ferai passer pour des femmes, on chauffera les hommes. Le mercredi, je me ferai passer pour un médecin, je vais appeler des gens dans des villages. On va croire que je suis le nouveau médecin du village, on va faire passer pour un mec un peu chelou. On va organiser les faux castings de télé-réalité aussi. Ah ouais. Je me ferai passer pour un faux casteur. Ça va être très très drôle. On va rigoler, je pense. On va mettre des vraies annonces de casting sur des sites de casting de voilà. Et on va appeler des gens sans croire qu'on est des casteurs, qu'on travaille. Je suis Brian de voilà. Mais je vous en dis pas trop parce que si j'avais les annonces après, vous allez me cramer. Mais voilà, ça va commencer donc ça jeudi soir aussi. Le vendredi, on fera un nouveau jeu. Il n'en restera qu'un. Le dimanche, on fera un nouveau jeu. Il n'en restera qu'un. Salut, fan de toi depuis un an. Ah, c'est gentil, les mecs. Guillaume et votre texto aussi, 6-11-12. Allez-y, hein, si vous voulez balancer une petite dédicace. On les lit. On fait péter le top tweet direct. J'ai vu les messages. Là, c'est plaisir, les mecs. Hashtag le retour de Guillaume. On est au taquet. Bah, c'est parti du coup. Hein. Zao MHD, il y aura Soprano. J'ai vu qu'il avait été demandé. Même le diable ne s'habille plus en Prada. Le nouveau Shakira, on sera 21 Pilot. Zao, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, le nouveau DJ Snake, il est là avec Bieber. On se l'écoutera en entier tout à l'heure. Déchirant. Et Cédric qui est avec nous. Bonsoir Cédric, de Sens de Bretagne. J'ai pris toutes les musiques que j'ai entendues là. Ah ben ouais. J'ai eu la chance de partir au Club Med une semaine pour la première fois de ma vie. Ah c'est bien quand même. Et j'ai bouffé du. J'ai eu du. vous avez eu ça aussi. Fallait qu'on se mette Christophe Maé là. Il est où le bonheur? Ah ouais, ah, non, mais il est là ce soir. Attends, je sais pas. Attends, merci. Je sais. Ah oui, on est là. Ouais, le bonheur. Ah, là, j'espère qu'il est là en tout cas. Ah, attends, mais on l'a normalement. Ouais, normalement, ouais. Il est où le morceau? Il est... Merde, j'ai tous les CD, un autre monde, c'est pas ça là. Attends, Christophe, putain, il y en a beaucoup, on a un milliard de morceaux de Christophe Maé. Tout l'album. On est fan aussi. Je te demande pas si t'es fan. j'ai écouté l'album. T'as, le mec, il a l'air d'en faire trop tout le temps. Non, c'est vrai. Attends, t'as écouté l'album. J'ai stagiaire, t'as fait quoi pendant les vacances? Et puis on va vous prendre à l'antenne. C'est parti au standard. Guillaume et votre texto au 612, comme a fait Cédric. T'es de. D'Ille-et-Vilaine, Cédric. Hein. T'es de Sens de Bretagne, c'est ça. En 35. De Bretagne. Ah bah, c'est gentil d'appeler. Merci, merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'est la première fois que tu passes à la radio, c'est le dépucelage ce soir? Ouais, exactement. C'est vrai. Ah oui. Putain, pour la rentrée. Alors ça me fait plaisir. Ah bah, c'est pour ça que je vous l'ai pas dit, hein. Oui. Ah, c'est gentil. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Ah. Attends. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là. Il est où le bonheur? Il est où? Ah, et franchement, et ce morceau avant je l'aimais pas bien. Et en fait depuis que j'ai eu des délires de potes dessus, ah bah oui. Et bah c'est devenu mon nouveau morceau, mon nouveau morceau un petit peu stylé quoi. Voilà, c'est marrant quoi. Il est où le bonheur quoi? Il est où le bonheur? Il est où? Tu sais quand t'as un délire de potes, ouais, en vacances, il est où le bonheur? Et là toutes les vacances c'était comme ça. Il est où le bonheur? Insupportable quoi. Bon Cédric, en tout cas, alors t'as eu une galère. Tu travailles dans quoi toi mon Cédric, 24 ans là? Alors pendant les vacances, j'ai eu un petit job d'été, j'ai travaillé à Domino's Pizza. Ah ouais? Ah oui, c'est bien, ouais, ça. Ouais, pizza, ouais. Putain, énorme. Ah bah mais, oui. Mais juste pour l'été ou tu fais ça toute l'année, toi? Non, c'était pour l'été, pour gagner un petit peu de sous, partir en vacances, que normalement je suis étudiant. D'accord, ok. Étudiant, qu'est-ce que tu fais comme étude alors, toi? Ben là, je vais rentrer dans une L3 sciences de l'éducation pour être professeur des écoles. D'accord, ok. Eh ben, écoute, dédicace à tous ceux qui sont professeurs des écoles. Ouais. Qui, voilà. Les instituteurs. Eh oui, l'éducation nationale. Ceux qui forment la France. L'avenir de demain. Ouais. Eh oui, c'est vrai en plus. Ah bah ouais. Ouais, c'est bien. Ils sont fous quand même, ils mettent l'avenir de la France entre mes mains. Faut le faire. Ah ouais. Attends, pour l'instant, tu fais que des études. Ouais. Attends, pour l'instant, on n'en est que là, on n'est pas encore au niveau de travailler. Hein. Ouais. Bah ouais, il y a des mecs qui font des études. Moi, j'ai une copine qui a fait médecine, elle a terminé les études, elle n'a jamais trouvé de boulot. C'est dur après. Non, mais c'est pas, non, c'est le mec qui fout une ambiance de merde. Attends, on l'a rentré. En plus, c'est long, médecine. C'est, voilà. C'est pas parce que. C'est pas parce que. Voilà, non, mais il le fait, il va le faire. Tu vois, par exemple, j'ai un stagiaire, il a fait des. Ah, un oui. Doctorat, ah, des il a fait un doctorat en chimie nucléaire. Il fait un master, je sais pas quoi. Et finalement, il fait Guillaume Radio. Les parents, ils sont contents, tu vois. On est loin du truc. Ah, bah ouais. Mais alors donc toi c'est vrai qu'on galère pendant l'été, t'as fait livreur de pizza et à un moment donné tu te retrouves et t'es arrivé une merde en gros, hein, c'est ça? Ah ouais, bah même plusieurs dans la même journée que dans la même soirée, je vais dire, un truc de fou quand même. Vas-y, alors ça, on m'a expliqué un petit peu ta journée, bon j'avoue j'ai eu du mal un petit peu à y croire etc. Il paraît même que tu nous as envoyé une photo de ta voiture. On a une preuve. Ouais. Voilà, parce ouais, que parmi tout ça photo, ouais. Exactement, apparemment parmi tout ça il y a eu une petite guerre, une petite galère et tout ça avec la caisse, le patron, apparemment t'as eu une journée vraiment remplie de galère, ouais. Quoi. De merde, quoi. Ah ouais, c'est clair. Ouais, alors vas-y, ouais. Raconte, explique un petit peu ta journée alors. Bah, normal, j'arrive au boulot. Et déjà, c'était pizzeria le soir. Qui respecte pas du tout. Donc, t'arrives au boulot, pardon, ouais. Et je commence mes livraisons tranquilles. Sauf qu'au bout d'un moment, je me retrouve déjà avec 3 livraisons dans la bagnole, c'est-à-dire une quinzaine, presque une vingtaine de pizzas. Ouais, putain, livrer tous les clients. Ouais, ouais. Un gros bordel. Ouais. Et déjà le temps de livrer tout ça, ça mettait un temps pas possible. Donc quand je rentrais pour me repointer, quand tu fais ton arrivée à la pizzeria, je me suis engueulé par le manager parce que soi-disant j'étais trop lent. Ouais. Et après, bah, suite à ça, je veux pousser un peu avec la voiture. Donc à la place de 50, je roule à 70. Et qui c'est qui m'attendait? Juste un petit rond-point, bah, c'était en fait le mari de ma patronne. Et moi je savais pas. Du coup ce qu'il fait, c'est qu'il m'a suivi en fait jusqu'à la pizzeria. Il rentre et tout, il arrive près de la cuisine, il fait... C'est qui roulait dans la mégane comme un malade? Moi j'arrive, bah, c'était moi. Et il m'a engueulé comme je sais pas quoi. Bah, il te suit, bah ouais, en fait, il voulait voir une livraison, comment tu faisais quoi. Bah, oui. Il a le droit de faire ça. Ouais. Bah oui, il t'a espionné quoi. Voilà. Ouais, c'est espionnage. Pour voir si tu t'arrêtais pas fumer un bédo. Ou manger la pizza. Ou même si tu jettes pas les pizzas. Tout, j'étais beau gosse, mais je sais pas. Il a fait livreur de pizza. Ils se sont concernés. Là, il me regarde avec des gros yeux et il a envie de parler. Il est pas venu pour rien le mec. Son micro, il veut le rentabiliser. Non, mais c'est très bien, bravo. Et ça fait trop longtemps, trop content de vous revoir. Bisous de Corse. Et bah, salut les Corses, salut Ophélie. Bisous. On vous embrasse, hein, les gars. Là. Trop content de vous retrouver. C'est reparti pour une année de ouf. Salut les mecs. Je t'adore, t'es le meilleur. Je t'adore. Tu pourras enfin m'envoyer un poster. Ah ouais, alors, et mon vieux, avant qu'on ait poster, ça sera ouais. Noël. Pourtant, on a fait les photos, mais alors le temps qu'ils imprennent les posters, c'est bien. Déjà, ce serait bien qu'ils nous réparent la clim, qu'on fasse les choses en l'air. Les lumières, elles marchent plus. Ouais, il y a les micros, ça va. Je sais pas ce qu'ils ont fait cet été dans les studios, mais il y a plus de lumière, il y a plus de clim. Il y a une coupure de courant ce week-end, en fait. Il y a les petits bars rouges qu'il y a derrière JM du standard, elles marchent plus. Enfin, bref. À cause de nous aussi, c'est un peu notre galère, Cédric. Hein, toi. Donc, en gros, le mari de ta patronne, il t'a suivi en voiture. Il a vu que tu roules un petit peu vite, en gros. Ouais, voilà. Et jusqu'à la pizzeria, il vient en même temps que moi. Le pire, c'est qu'on se croise du regard avant d'arriver dans la pizzeria. Il me dit rien, il me sourit. Et quand il arrive, il gueule comme un fou. Ouais, pour et faire devant sa femme. Ouais, bah, il se la raconte. Ouais, voilà. Et en même temps, il peut pas trop procher et trop vite et dire que t'es trop loin. Bah oui, c'est ça le problème. Bah ouais, voilà, c'est paradoxal. Pas. Ouais, mais bon, ils avaient peut-être besoin de quelqu'un sur qui gueuler pour se défouler un peu. Non, c'est possible, c'est possible. Mais c'est toujours bien. D'avoir quelqu'un sur qui tu peux te défouler. C'est vraiment moi c'est très important dans ma vie. Hein, ah oui. Je sais que moi j'ai acheté un chien par exemple sur lequel je me défoule. Je me sens puissant dans chaque sans avoir des problèmes. T'imagines. J'ai déjà trouvé une gonzesse sur qui c'est. Moi je respecte les femmes. C'est pas vrai. Je vais me tenir. Non c'est pas vrai. C'est surtout les femmes qui te respectent. Ça. Merci les mecs. Hashtag le retour de Guillaume. J'ai envie de niquer les 10 ans de Secret Story. On est juste en dessous en termes de hashtag. Et alors, il est 22h18, on est en plein milieu du prime. Je vous demande de mettre tous un petit tweet. Ouais. Un petit tweet, et je parle comme ma grand-mère. Ouais. Vous prenez votre scooter et vous avez un petit tweet avec votre pull au vert. Et mettez un petit tweet rapido si vous voulez, les mecs. Là, le hashtag le retour de Guillaume. Histoire juste qu'on nique Secret Story. Ah bah ça, oui. On se couchera. On n'a pas de secret. Voilà, on n'a pas de secret. Voilà, pas de secret. Non, merci, Joël. Ah oui. Putain, on fait une rentrée là, les gars. Ouais, c'est quelque chose. Ouais. C'est quelque chose. Hein. Se demande savoir. Où on était, quoi. Bon, Cédric, c'est dur. Il n'y en a pas une bonne depuis 19 minutes. Il va falloir ça. L'émission dure que 2 heures. On va pas tenir. Hein. Bon, j'espère que ça va chez vous. Je sais que la rentrée approche pour un petit peu tout le monde. Hein. On est combien là? On est 29. On est 29, hein. Ouais. Donc je sais que ça approche. Je sais que ça approche. Donc bon courage à vous tous. Ouais. Si jamais vous voulez passer à l'antenne, un petit SMS, bah, ça fonctionne. Hein. C'est vraiment un truc qui se fait direct. Même si vous ne croyez pas ou vous pouvez penser que c'est de l'arnaque, je vous assure qu'en 2 secondes, vous me balancez un petit texto. Ça y est, on est le rang en dessous, Secret Story. On est deuxième. Sur Twitter, hashtag le retour de Guillaume, et on fait monter ça. Je veux rentrer dans Secret Story à deux bras. Ah ouais. Je veux faire plonger dans Secret Story. Ouais. Donc, allez-y rapidement. Cédric, qui est là, donc, du coup, galère pendant l'été, le patron qui t'a suivi, qui t'a fait un peu la misère, etc. Qu'est-ce qui t'est arrivé d'autre comme galère? Alors après, je repars en livraison. Et tu vois, quand tu vas pour partir, t'as un petit ordi, tu fais ton départ, t'annonces le départ, le temps que tu mets pour partir. T'as ton petit ticket avec l'adresse où tu vas et tout. Oh, moi j'y vais. On fait pas une formation non plus. On fait simple. Ouais, d'accord. Et du coup, j'arrive à l'appart. Sauf qu'il y avait 18B, j'y vais. Sauf qu'il n'y a pas le nom de celui qui a commandé. J'appelle une première fois, elle me fait ah non, en fait, c'est pas 18A, c'est au 18B. J'y vais. Il n'y a pas le nom qui était marqué sur le ticket. Je la rappelle, elle fait ah oui, c'est là. Machin. Je monte les 3 étages, je livre sa pizza, elle lui manquait la monnaie, j'ai mis 30 ans pour finir la livraison. Ouais, bon, ça peut arriver, ouais. Et après, tu vois, j'avais le gros sac où tu mets les pizzas. Ouais. J'ouvre ma portière, je mets ça dans la voiture, je referme la porte. C'est un espèce dessin d'oiseau qui vole au-dessus de moi et qui sait pour qui, la petite merde de l'oiseau, c'est pour mon père. Mais ça, c'est pas grave, ça peut arriver. Ça peut arriver. Tant que c'est pas sur la pizza ouverte. C'est que moi, j'ai une vidéo, énorme. J'ai une vidéo là pour TPMP la semaine prochaine. Là, j'ai une vidéo, c'est un mec en duplex. C'est toi qui as trouvé, j'ai le standard. Je sais plus, non. Ah, en fait, il est en duplex à la télé. Ah oui. Et le mec, le pauvre, il se fait merder, il se fait chier sur direct, pile poil sur le sourcil, quoi. Et ça lui coule dans l'œil, quoi. Il enlève. Tu vois que le mec, au début, il essaye de rester. Ouais, en plus, c'est horrible parce que c'est tout blanc, ça coule le long de sourcil. Et tu dis, mais enlève-le, frère, toi. Attends pas que ça te rentre dans l'œil, ça coule. Il veut faire bonne figure. En fait, tu veux faire genre, y'a rien. Bah, tu vois que ça sur l'image. Une grosse merde. C'est atroce, quoi. C'est atroce. C'est chier dessus. On a plein de trucs, c'était le jour du jour. Bon, Cédric, en tout cas, alors. Donc, vas-y, fais court, parce que tout à l'heure, quand on m'a raconté ça, il y a moins de détails. Alors, attends, tu te fais chier dessus. Par l'oiseau. Et ça se termine comment? Parce qu'il me reste que 10 secondes avant la pub, là. Putain, déjà. Ah ouais, bah en gros, pour te dire, après, je rentre chez moi, et puis en gros, j'ai eu un accident parce que j'essaie d'éviter une biche qui traversait la route. Mmh. Donc en gros, bah, déjà ça. Après, le temps de sortir de la voiture, mettre le gilet, vouloir mettre mon triangle, il y a une voiture qui arrive à pleine balle en face de moi. Et en gros, il a pas vu ma caisse. J'ai eu le temps de sauter dans le fossé pour pas passer sous les roues. Et puis, bah, il m'a mis ma voiture et pas. Non, non, c'est ce qui est énorme, c'est que j'ai les photos de la voiture devant, derrière, elle est défoncée. Ah, le pauvre. Mais quand même, toi, t'es quand même Gaston Lagaffe, mec. Ouais, bah là, ouais. Ah, bah ouais. Te faire prendre devant, te faire prendre derrière, non, c'est juste agir. C'est pas moi. Non, mais habituellement. Pas de problème comme ça. Ouais. Alors, attends. Tout va bien. Hein. Bon, alors, vous savez quoi, on va se faire. Venez nous raconter un petit peu, là, qu'on se raconte un petit peu nos vacances d'été. Est-ce qu'il vous est arrivé des galères un peu pendant l'été? Ou un truc de fou aussi, hein, ça marche. On va reprendre Hugo, là, il y en a plus de Courbevoie. Tu bouges pas, Hugo, je te prends l'antenne. Pas, il m'entend plus, Hugo. Allô? Ah, si, il est là. Ça va, mon Hugo? En direct du 92, vous allez bien? Salut. Tu vas nous raconter vous un petit peu. Non, vous allez bien, vous allez bien. Qui, papa? Tu vas nous raconter un petit peu ton truc de fou pendant l'été. Vous tous, hein, les galères, les trucs de fou. Guillaume et votre texto avec votre numéro de téléphone dedans. Vous me racontez un petit peu les trucs marrants cet été. On en parle juste après ça sur Énergie. Tous les matins, okay. Sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Sandrine de Saussan en Haute-Garonne. Oui. Quel est le seul animateur radio qui, encore cette saison, double ton salaire? C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Ouais. T'es la première, Sandrine. Bah alors, Sandrine. Et bah, tu sais quoi, ça nous fait plaisir que ce soit avec nous. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait des jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Bonjour, c'est Christophe Beaugrand. Je vous donne rendez-vous pour fêter avec moi la 10e saison de Secret Story. Et la voix vous a réservé des surprises gigantesques. Mais je n'ai pas le droit de vous en dire plus. C'est tout pour le moment. Secret Story, présenté par Christophe Beaugrand, du lundi au vendredi dès 18h40, en direct sur NT1. Sophie se prépare pour aller chez McDo, mais pour l'instant, elle est sur le balcon. Elle regarde le ciel. On voit bien les étoiles ce soir. On en voit plein. D'ailleurs, combien on en voit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, j'ai déjà compté celle-là, bon, je recommence. Bref, Sophie se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue, vu que pour l'instant, elle compte les étoiles dans le ciel. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. C'est Mad sur Énergie 12. Du lundi au vendredi à 17h25, retrouvez toute la bande du Mad Mag en direct. Le Mad Mag, présenté par Martial, du lundi au vendredi à 17h25 sur Énergie 12. Only. Feel it! partir de 22h sur Énergie, plus rien n'existe à part nous. Tous ensemble, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour sur Énergie ce soir, 22h28, hein, Guillaume Radio 2.0. On est de retour avec Cédric qui est avec nous et qui a commencé cette saison d'ailleurs. Cédric qui est le premier à passer là, avec ouais. nous là. Ouais. Sens de Bretagne. T'as dit quoi? Je dis, je pouvais pas rêver mieux depuis le temps que je vous écoutais, quand j'ai envoyé le mail. Sérieux, ça fait c'est trop sympa, merci beaucoup. Ah bah ouais, non, mais c'est clair. Et ça fait longtemps que tu connais l'émission, toi? Bah ça fait au moins 2-3 ans. Ah ouais, d'accord. Pas commencé dès le départ, mais dès que j'ai commencé à vous écouter, c'était énorme. Ah c'est gentil. Plaisir de vous écouter. Merci. Et tout, quoi. Ah bah merci beaucoup, ça nous fait plaisir, merci beaucoup. T'as découvert, tu te rappelles un petit peu la première fois que t'es tombé sur nous, le dépucelage auditif? Ah, bonne question. Je pense que c'était dans la voiture d'un pote, on devait écouter, j'étais tombé sur vous comme ça, j'avais commencé à écouter au fur et à mesure après, quand tu kiffes, tu continues d'écouter quoi. Ah c'est sympa, bah merci beaucoup. Ah t'as bien fait. Salut Guillaume, j'ai été un an en Chine, à Chongqing. Donc pas possible d'écouter en direct. Trop plaisir de vous retrouver la team, salut les gars. salut la Dream Team, vous nous avez tellement manqué, ça fait vraiment du bien de vous entendre. Bonne soirée les potos. ORCE Ghost 18. Ah les mecs qui sont de retour, ça fait plaisir les gars. On reconnaît un petit peu les prénoms et les noms parfois qui arrivent sur les SMS, hein. Je vous rappelle, vous prenez votre portable, vous m'envoyez un texto, il arrive sur mon écran, voilà, Guillaume, et votre message, vous l'envoyez au 6 11 12. Il est où Guillaume? Il est où? Il est là, Guillaume, le papa de la radio, salut les gars. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où? Est-ce que j'ai le bonheur? J'ai pas le mot du jour, Guillaume. Ça y est, j'aime bien Christophe Maé. J'ai fait l'amour. J'ai fait la manche. Faut qu'il se calme, faut que j'y aime, faut lui expliquer les bases là. Il est trop à l'aise, ça va être gênant. Là. Ça va être gêné. Alors attends, il y a beaucoup d'appels qui arrivent au standard. Il y a Hugo qui est là. Il y a Hugo qui a passé un petit coup de fil de Courbevoie. Bonsoir Hugo. Salut, comment ça va? Ça va ou quoi Hugo? Salut, bah, Hugo. Vous allez bien? Hello. Ça va Hugo? Hello. 16 ans, représente le 92, hein, juste avant, t'étais passé. Tu t'es en quelque chose Hugo, 16 ans là? Ah là, je rentre en première. Première, d'accord, première ES, très bien. Ouais. Bon courage à tout le monde hein, si vous rentrez en première aussi. C'est plaisir. Tu passes pour la première fois avec nous ou t'es déjà passé? Non, c'est la première fois que je passe sur Énergie. Ah, mais que c'est bon. T'étais déjà passé où toi? Parce que j'ai l'impression que t'es passé ailleurs là dans ta phrase. Ah, je suis passé pendant mon stage de 3ème, j'étais à RMC et j'avais réussi à passer 3 secondes à l'antenne. Ah, super! Ah, c'est rapide quoi. Ah, bah c'est génial. Eh ben, très super. Bien. Non, mais c'est super sympa. J'ai faufilé dans le studio. C'est vrai, c'était bien le stage à RMC, ouais. Ouais, c'était cool. Bah super. On embrasse les collègues. C'est le mec qui suit pas les sons. Les sons qui suivent pas du tout ce qu'il dit. On adore RMC. Nous, vraiment, c'est pour nous, c'est le plaisir. Non, c'est pour rire. En plus, on les embrasse vraiment et tout. Ah bah oui. Je connais personne à RMC hein, d'ailleurs. J'ai jamais, moi non plus. Écoutez, mais enfin, on fait le même métier, hein, Hugo. Hein. Tu sais ce que tu veux faire comme métier plus tard ou t'as pas encore décidé, toi? Non, je sais pas trop. Ouais, t'as encore un peu de temps. T'as le temps. J'ai un peu de temps. Bah, t'as le temps, t'es quand même en première. Enfin, faut Bah oui. Il y a le bac. La question vers où tu vas aller. Oui, toi, vaguement, au pire. Parce que, ça va quand même dépendre un petit peu de ton orientation. Hein. C'est important. Ouais, t'as vraiment aucune idée de, t'as pas un truc qui te plaît, une passion dans la vie, je sais pas. Ou t'as pas un don? Non. Bah, je sais pas. Mais c'est pas. Ah, mais ça peut aider, c'était chanteur. Ordinaire. Par contre, je viens de stagiaire, tu vois, il avait une élasticité dans le trou de l'air. C'est méchant de dire ça. Je m'agresse direct. Un autre métier. Non, je suis pas d'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'il fait la radio plus autre chose. C'est ça. Pourquoi de la radio? En fait, il y a des contorsionnistes et lui, c'est au niveau du trou de balai. De quoi? Le manque de respect. C'est impressionnant. En fait, il arrive à doubler les films avec ses fesses. Tu confonds. C'est ouf, le mec. Pas mal, ouais. C'est bizarre de vous entendre, signé Jocelyn du 71. C'est qui le papa? En vous attendant, j'ai écouté toutes les émissions sur le best-of. Ah oui, alors vous êtes nombreux à nous dire, il n'y avait plus de best-of à la fin de l'été. C'était compliqué au bout d'un mois. Du coup, on va remettre cette émission sur le best-of, etc. etc. J'ai envie de dire comme ma grand-mère, etc. etc. enfin, voilà, on va les remettre après, et puis ça va rattraper le cours. Voilà, ça y est, la rentrée est revenue. Quoi. On est là. Et alors, t'as fait quoi cet été en vacances, Hugo, de Courbevoie? Moi, du coup, il m'est arrivé un truc assez sympa. J'étais en vacances du côté de Barcelone, et j'ai ramené un petit souvenir assez cool, tu vois. Ouais, c'était. À Barcelone? Ouais. Non, bah ouais, tu nous dis juste ça, et puis là tu raccroches, tu ne rappelles plus jamais. Bien sûr, vas-y, avec plaisir, raconte-nous. Ouais, et donc un soir, mon père, il me dit à moi et à mon frère, ce soir, il me fait une surprise, il dit ce soir, on va aller voir un match au Camp Nou, voir Messi et le Barça. Ah, c'est donc, Le Camp Nou, c'est le stade de Barcelone. Ouais. Le stade de Barcelone, ouais. Et donc du coup, on était pas trop mal placés, on était à une quinzaine de mètres du terrain. Donc on regarde le match, tout va bien, et à un moment, Messi, il sort du terrain, il est remplacé. Et de là où j'étais, en fait, je voyais le banc de touche. Et donc, je le vois pour lui et pour se mettre plus à l'aise. Genre, il enlève ses crampons, ses protège-tibias, ses chaussettes, tout ça. Donc, t'as le staff qui ramasse ses chaussures, ses protège-tibias. Et je vois qu'il fait une boule avec ses chaussettes et il les laisse par terre, tu vois. Donc, moi, je regardais ça, je me dis, bon, ok. Et vers deux minutes fin du match, je me rapproche, du coup, comme j'étais au même niveau que le terrain, dans les tribunes, je me rapproche près du coin VIP. Et là, d'un seul coup, donc c'est le coup de sifflet final, et d'un seul coup, tout le monde pousse, et donc du coup, je rentre avec mon frère dans le coin VIP, et là, donc il y a tout le monde qui essaie de taper dans les mains des joueurs et tout. Et moi, avec mon frère, on avait fixé, on voyait, il y avait les deux chaussettes de Messi qui étaient par terre. Tu fixais les chaussettes de Messi, quoi. Ouais. Voilà, non, je voulais ramener un petit souvenir. Et donc, du coup, t'as les gens de la sécurité qui arrivent en espagnol, ils crient, ils disent sortez là en espagnol et tout. Moi, j'étais en mode no hablas espagnol, hein, tais-toi, dégage. et donc, du coup, ils comprenaient pas, ils disaient montre-moi ton ticket VIP et tout. Bon, après, ils sont partis. Et après, pendant 10 minutes, j'arrêtais pas de négocier avec le mec de la sécurité qui comprenait rien ce que je disais avec mon frère. Et à la fin, il a appelé son supérieur et il nous a filé une des deux chaussettes qu'il y avait par terre. Ah ouais, c'est stylé. Ah, t'as une des deux chaussettes. C'est quel pied que t'as? Mais pourquoi t'as pas filé les deux? Il est con. Il s'est fait faire de l'autre. Non. Ouais, non, à côté, il y avait une autre fille qui pleurait, qui la voulait absolument, du coup, la fait moitié. Ah, moi, j'aurais fait pareil. Je sais que tu dis, ouais, tu donnes la moitié. Tu distribues, quoi. Et là, du coup, t'as une soquette de Messi, quoi. Et tu l'as reniflé ou pas? Voilà. Faut pas la laver. Pourquoi faut pas la laver? Bah, il a raison. Ça, tu la laverais pas, j'ai le son art. Ouais, non. Franchement, on est à la limite du fétichisme, c'est un peu inquiétant. Ah bah oui, bah c'est du fétichisme. Ouais, mais bon, clairement. Tu la revends. Puis après, je vais pas la sentir. Hein. Mais non, tu sens. Toi, tu sentirais, je vais dire. Ah, direct. Ah ouais, voir comment il sent Messi, voir. Il sent le père d'une restart. Je suis sûr que. Mais n'importe quoi. Non, mais attends. Je crois qu'ils n'entendent plus parler cette équipe. Non, mais de toute façon, ils n'entendent plus ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai. Vraiment un problème. On est de retour, ce n'est d'arriver sur Énergie. Radio 2.0, 22h35, on va se faire soprano. Le diable ne s'habille plus en prana. J'aime du temps, tu voulais finir sur les chaussettes de Messi. Bah ouais, parce que je suis sûr que Julien Stagiaire, il ferait des choses avec ses chaussettes. Ah, franchement, tu pourrais, Julien Stagiaire. Les chaussettes, on se gagne dans la chaussette de Messi. Non. Les sous-vêtements d'une meuf que je peux prendre, ouais. Genre une chanteuse qui balance un truc dans un concert, je peux prendre et me. Voilà. Mais Messi, c'est un joueur, c'est un garçon, je suis pas attiré par les garçons. Moi, franchement, mais non, mais même. Attends. Ah, une joueuse de foot, ouais. Ah, c'est vrai. Une joueuse qui envoie son maillot, je le garde. On y arrive. Si elle est jolie, elle a son odeur de parfum. Je le garde. Non, mais c'est vrai, tu pourrais te brûler sur une culotte de concert. Genre Beyoncé, ouais. Tu vas à un concert de Beyoncé. Ah ouais. Et balance sa cucu. Et balance sa culotte dans la foule, toi, tu pourrais te brûler en la sentant. Moi, l'odeur, mec, c'est pas de. Si ça sent bon, Guillaume. Je suis pas très sous-vêtement au dos. Même en plus, Julia qui est en stage. Si, quand même, ça excite un peu quand même. Ouais, mais de quoi? Je sais pas, les odeurs de corps. T'es une renifleuse? Non, mais les odeurs de corps, oui. Ouais. Mais les sous-vêtements, les sentir sans la personne, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, ça fait quoi en plus? Tu mets la culotte dans le nez. Mais c'est une star. Bah ouais, c'est une meuf connue. Bah ouais, alors? Non mais il y a un truc en plus, c'est marrant. Toi, t'es vraiment une grosse. Bah ouais, mais c'est rigolo. Mais ça va faire une fois, je pense. Il y a des gens qui achètent des culottes sales, par contre. Ah oui, ça c'est un délire. Gros business. Celle de Beyoncé ferait du fric. Ah bah ouais. Si on est sa cucu. Et t'en fais quoi de cette chaussette? Tu l'as étendue chez toi? Tu la portes, genre à l'école? Dans un cadre. Je l'ai pas lavé. Ah, c'est Messi. Non, je l'ai mise dans un cadre, je l'ai accroché dans ma chambre. C'est vrai, dans un cadre, ouais. Et t'as mis la tête de Messi, ouais, genre dans un cadre. T'as mis la photo de Messi dans le cadre? Bah ouais, ça serait. Non, j'ai mis mon billet du match. Ouais, voilà. C'est pas cool. C'est un bon souvenir quand même. C'est dans le but de faire un business, de la vendre un jour, ou c'est vraiment juste pour toi? Non, c'est pour moi, je veux la garder. Ah, tu peux la vendre, hein, tu sais. Ouais, non, c'est. Ouais, peut-être. Hein. Et sur le bon coin, il y a des mecs qui seraient prêts à mettre de l'oseille. 1000 euros, facile, ça mettre de l'oseille. C'est pas un maillot, hein. Ouais, c'est une chaussette, c'est pareil. Ouais. Flo des cadeaux. Ouais, mais après, faut prouver que c'est à Messi. Parce que tu peux raconter n'importe quoi. Ouais. Moi, je mets une chaussette sale dans un cadre. Non, mais t'as la DL, mais frère, tu vas pas faire. Tu sais pas. C'est pas les experts à Barcelone. Tu mets ton slip. Non, mais bien sûr. Tu peux pas prouver que c'est. Bah non. Moi, j'ai les chaussures de Thierry Henry. Ah bah tu vois. J'ai hérité des chaussures de Thierry Henry qu'il avait sur la pochette de FIFA en plus. C'est quand même. Celle qu'il a portée sur la vraie pochette de FIFA et tout ça. Parce que ma sœur est sortie que. C'est ça, non, avec le photographe. Ah, ouais. Avec le photographe. Bref, je crois que c'est ça ou un pote, je sais plus. Non, ma soeur sortait avec un mec et c'était le meilleur ami du photographe. Voilà, bon, bref. Il a récupéré. Il savait qu'il avait un petit frère, ma soeur à l'époque et tout. Et donc, elle a demandé les chaussures et il m'a fait les chaussures sympas quand même. Bah oui, tu les as. Parce que c'est des chaussures de ouf. En plus, c'est des Nike hyper légères et tout. Ah, Thierry Henry. Ce qui est marrant, c'est celle de Thierry Henry, quoi. T'es sûr? Ah oui, je suis certain parce que j'ai la photo, j'ai même la signature dessus. Et la certification du photographe qui m'a signé un papier comme quoi c'était lui. Il s'est engagé, ouais, dans ce cas. Donc là, j'ai la feuille, etc. Ouais, ouais. Avec la photo et le photographe, les chaussures dans la main. Oui, et, ouais, c'est et vrai. Il y a marqué la boîte et tout ça, il y a marqué là, c'est les siennes. Mais les chaussettes. Et je crois que ma mère les a jetées, les chaussures. Ah merde, oh, non, l'erreur. Non, l'erreur, parce qu'elle m'a dit, j'ai dit. Et là, ma mère a jeté toutes mes collections parce que c'est, écoute, c'est des cartons qui servent à rien, ça fait 5 ans que t'es pas. Mais bon. 10 ans que t'es plus là, c'est bon. Elle a jeté tous mes sigles de voiture aussi. J'avais fait une collection de sigles de voiture, mais genre des très vieilles voitures et tout en cuivre et tout, des trucs d'une valeur de ouf. Et elle a tout foutu dans la benne, quoi. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous avez par exemple vécu un truc de fou comme Hugo qui a réussi à choper les chaussettes de Messi ou comme Cédric, ouais, une petite galère cool pendant l'été? Bah, ça arrive. Venez nous raconter, on se fait soprano. Non, le diable ne s'habille plus en Prada. Et vous êtes les bienvenus si vous voulez passer avec nous. Guillaume et votre message avec votre numéro de téléphone dedans au 6-11-12. Avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille d'un plus généreux. Mais l'époque a changé, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes. Il n'y a que deux choses à retenir. 22h, du dimanche au jeudi. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne. Sur Énergie, il est 22h41. On est seulement là jusqu'à minuit. Alors faut en profiter, on a que 2 heures ensemble. On essaye de faire au plus vite pour partager un maximum tous les soirs. Là, ma galère, c'est de pas avoir trouvé de travail cet été dans l'agriculture. Bon courage, hein, gros. Aïe. Ouais. Salut Guillaume, c'est super l'émission. Ça fait un moment que je vous écoute et je m'en lasse pas. De retour, j'avais attendu et en plus, je sais que Guillaume sera dans TPB. C'est super. Merci les gars, c'est sympa. Hein. Ma galère, c'est de pas avoir trouvé de travail. Moi, je me suis fait virer de mon camping et j'ai crié un peu fort. Je crois le mec, il m'a engueulé et je vais recommencer. Il m'a viré. Après, salut les gars. Salut. J'ai fait un camp scout en Macédoine, c'était la merde. On a dû rapatrier un mec en avion, on a eu un accident de voiture, 10 malades, une allergie au lait, bref. Mais c'est loin. C'était mouvementé, salut Lou. On se raconte un petit peu nos histoires ce soir. Qu'est-ce que vous avez fait comme été, comme Hugo qui a eu une chaussette de Messi quand il allait assister au match. On a eu Anthony, 26 ans, c'est pas un vrai prénom. Bonsoir Anthony. Allô. Ça va Anthony ou vous allez bien? Allô. On se raconte un petit peu peu nos histoires. Ça va gros quoi, enchanté. On s'est déjà, on s'est déjà parlé ou pas Anthony toi? Ouais, bah en fait ce qu'il y a c'est que jamais à l'antenne, mais je suis déjà venu vous voir visiter le studio. Ah énorme. T'es venu quand? Ouais, j'étais. Mais c'était un soir, je sais pas si tu vas te rappeler, j'étais venu avec une polo, avec un collègue à moi et tout, ça fait un moment. T'as fait la roue, vous aviez décidé au dernier moment de venir? Exactement. Vers Lyon, le mec il avait vendu son téléphone et tout, je crois. Une polo ouais. Grise. Oui, c'est ça. Wow. J'ai l'impression qu'on est un peu. On a quand même des souvenances parce que. Ouais. On a quand même des souvenirs et un peu de mal. Parce que je peux vous dire que vous êtes nombreux à venir. Et t'as vu, on s'en rappelle. C'est ouf, hein. Ouais, carrément. Comment ça va, Anthony? Bah, moi, ça va pas terrible parce que je suis pas prêt de venir vous voir. Enfin, pas prêt, voilà. Pas prêt? Moi, mon été, je l'ai passé en prison. Et j'y suis toujours, là. C'est vrai? Ah, t'es en prison, là? Pourquoi? Ouais, c'est vrai, je suis en prison, là. Pourquoi? Bah, pour des violences, des bagarres que j'ai fait, et voilà, j'avais déjà été prévenu plusieurs fois, j'ai été jugé plusieurs fois pour ça, voilà. Et c'est la première fois que tu fais de la prison? Non, j'avais déjà été condamné à 2 mois, mais sous bracelet, avec un bracelet, tu vois. Et comme j'ai recommencé. Pourtant, t'as pas une tête de méchant gars qu'on te voit, non? Ouais, mais non, cool. Je suis pas méchant, mais voilà, c'est. Mais je casse des gueules! Je me réveille, je frappe des merdes de nez. Mais ça doit être des bagarres violentes, parce que faire du ferme en France pour une bagarre. Non. T'avais une arme ou un truc? Non, même pas. Là, c'était de la violence en réunion. C'était de la violence en réunion et il y a eu des menaces de mort qui ont été retenues. Et ça, ils aiment pas du tout la justice. Ah, c'est vrai. T'as menacé quelqu'un de mort, c'est vrai. Ouais. Mais violence en réunion, c'est-à-dire vous avez tapé à plusieurs des gens? Ouais, voilà. Mais moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai même pas porté de coup. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas voulu me dénoncer non plus. Donc la justice, ils m'ont pas dit directement que si je dénonçais, j'allais pas prendre ou quoi que ce soit et tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils m'ont bien fait comprendre. Enfin, tu te retrouves pas en prison, t'as que rien fait non plus. Ouais. Si t'avais déjà un bracelet, c'est que t'étais un petit peu dans des embrouilles de tasse. T'es un peu chaud, quoi. Attends, mais je comprends pas pourquoi vous tapez à plusieurs des gens, c'est pas bien. Bah non, c'est pas bien, mais c'est en boîte et tout, et c'est souvent des trucs qu'on commençait par rapport à Facebook, ça fait des menaces, ça parle beaucoup derrière un ordinateur, et puis voilà. Non, mais je sais que c'est pas bien, de toute façon j'ai fait ma connerie, maintenant je suis en prison, je paye, et puis voilà, c'est tout. Ouais. Voilà. Mais toi, t'aimes bien te battre, etc. Non, j'aime pas du tout me battre, en plus, c'est même pas ça, le truc, c'est que je suis même pas violent, hein, normalement. Ah ouais. Mais voilà, donc c'est juste pour dire que ici, j'ai eu plusieurs co-détenus, là, je suis avec quelqu'un qui est génial, mais avant, j'étais avec quelqu'un, il est tombé pour alcool. Il a conduit un ancien en plus, il est en retraite. Il s'est fait choper 2 fois avec de l'alcool, boum, 3 mois. En prison? Ah, mais la route aussi, oui. Et toi, t'as pris combien en prison? Moi, j'ai pris 6 mois. D'accord, oh là là. Putain, c'est beau, c'est lourd, hein, c'est relou, 6 mois. T'avais un boulot et tout ou pas, toi? Ouais, j'avais un boulot, ouais. Ouais. Ah bah ouais, j'avais un boulot, j'ai des gamins en plus. Ouais, t'étais avec une fille d'avoir un gamin à l'époque. Ouais. Un bébé. Ouais. Putain, c'est un truc de fou. Ouais. Oui, t'es papa en plus. Ah bah ouais, en plus je suis papa, j'ai 2 petits-enfants et tout, voilà. Oh là là, putain, c'est ouf. C'est ouf. Et comment tu fais là, du coup, avec l'extérieur et tout, avec ta meuf? Tu vois, je suis en train de te téléphoner, donc j'ai un téléphone, mais j'ai pas bien le droit d'avoir un téléphone en prison. Ah ouais. C'est interdit. Il y a plein qui en ont, non? Comment tu l'as eu? Les parloirs. Ah ouais. Il y a deux solutions. Il y a les parloirs, mais les parloirs, c'est qu'il y a des portiques. Il y a des portiques comme dans les aéroports, les tribunaux, tout ça, les trucs qui sonnent. Donc en fait, on a des tout petits téléphones qui s'appellent les Yamayahu. C'est des tout petits téléphones qui font la taille d'un briquet. Ouais, c'est ça, j'ai déjà vu. Ouais. C'est la mission. Et en fait, tu peux envoyer des textos ou même pas? Si, on peut envoyer des textos. Bah, heureusement. C'est vraiment le minimum, le téléphone. Il fait vraiment le minimum. Voilà. Et après, on peut avoir des smartphones. On en avait un, mais ce qu'il y a, c'est qu'on l'a grillé comme des cons. Mais les smartphones, il faut aussi les faire jeter par-dessus la prison. En fait, ça y est. Ah, de l'extérieur, il faut pas qu'il pète. Il n'y a pas un filet, parce que. Ah ouais. Ah, putain, si, mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Après, voilà. Et c'est pas du business, voilà, genre, tu peux pas l'acheter en prison? Si, mais bien sûr, on peut l'acheter. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un smartphone, je vais donner un exemple, parce que je vais donner un exemple réel. Si on n'a pas de contact en prison, c'est un Galaxy S3, c'est 1 000, 1 500 euros. Oh, c'est plus cher que l'Honor. Putain, c'est abusé. Ah bah ouais. Un Galaxy S3, les anciens. Ouais, S3, ouais. 1 500. Alors, un iPhone 6, mais qui a ça en prison? Qui le vend? C'est des mecs, c'est 1%. Il y a des vendeurs et tout. Bah oui. Dans la prison où je suis, elle est super compliquée pour faire rentrer des smartphones. C'est très très compliqué et on en est que 6 à en avoir. Ah ouais, d'accord. Des smartphones. Et tu risques quoi si tu te fais attraper avec? Ah bah c'est du mitard déjà, donc mitard c'est du quartier disciplinaire, donc ça veut dire ça peut aller jusqu'à 30 jours à peu près, et on est jugé, et on peut reprendre une peine. Ah ouais, d'accord, le portable. Oh la vache, ah ouais, faut faire attention, donc, parce que là, si c'est pour repartir pour 6 mois, ah ouais, faut pas qu'il y ait un gardien qui t'écoute. Ah ouais, c'est clair. Ah merde. Ouais. Et alors, attends, et donc du coup, t'as passé tout ton été, parce qu'on parlait des galères de cet été, en fait. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un truc de fou, bien, ou une galère cet été? On se raconte un petit peu nos histoires. Vous êtes les bienvenus si vous voulez venir raconter deux minutes une histoire aussi. Guillaume, au début de votre message, et vous me l'envoyez au 6-11-12. On va se faire le jeu avec Flo des cadeaux dans deux secondes. Là, le jeu de Flo des cadeaux, ça s'appelle le jeu des faits divers. Il va raconter une dizaine d'histoires de meurtres atroces qui se sont passées cet été, à peu près. Ouais, c'est ça. Ah, il y en a eu beaucoup. Il faut savoir si c'est un mytho ou si c'est une vraie histoire. Si vous voulez voir, c'est hyper difficile à savoir. On va se le faire juste après, là. Putain, bah bon courage, Anthony, du coup. Hein. Ouais, bonne chance, mec. Ouais, non, mais c'est chaud, mais voilà, normalement je suis bientôt sorti. Il y a des trucs qui t'ont fait halluciner que t'as vu en prison où tu t'es dit putain, c'est pas possible. De quoi? J'ai pas Est-ce compris. Que t'as vu un truc de fou en prison où tu t'es dit putain, mais c'est pas possible quoi? Ouais, bah, y en a beaucoup, là je pourrais en dire toute l'année, des choses comme ça, mais voilà, le truc c'est qu'il y a beaucoup de surveillants qui sont corrompus. Ah ouais? À l'oseille. Ah bah ouais, non, mais il y a beaucoup de surveillants qui sont corrompus et puis il y a des choses de fou. Ouais. On va pas le dire trop fort. C'est-à-dire, parce que genre c'est eux qui vendent il y en a qui vendent des téléphones et tout. Ah bah ouais, il y a des surveillants. Bah, la plupart du temps, les smartphones tout ça, ça rentre avec les surveillants. Ah bah oui. Ah ouais. T'as raison, Tu vois, ça s'emboule, ça lui double le salaire, le mec. Ouais, ils te le vendent. On est obligé de fabriquer notre boisson, enfin notre alcool, voilà, même si c'est pas bien. Mais... De quoi? Ah, tu fabriques ton alcool? Comment tu fais? T'as une distillerie. Sérieux, la chocolaterie. Le chocolat, ça. Ah ouais. Ouais, mais là, ça comment va, tu fais ton alcool? Avec du sucre. Bah, moi, je suis bien passé. Ouais, du sucre, les mie de pain, ou alors on fait rentrer de la levure aux parois et tout, et des fruits. Tu fais et une on fait casserole, tu fais fondre du sucre, du pain. Mais, c'est mais Masterchef. Hein, moi, je suis bien parce qu'en fait, je suis avec un co-détenu, il est vachement médiatisé, c'est un escroc. Ah, il est connu. Il est vachement médiatisé, c'est un escroc. J'adore la phrase qui n'a aucun sens. Quoi. Je sais qu'un coup d'être nul, c'est une star, c'est un escroc. T'as fait un selfie avec lui. Mais genre, c'est quoi? C'est un politique? Non, pas du tout dans la politique, mais il est assez connu quand même et tout. Et il est quand même pas mal médiatisé. Il a fait pas mal de trucs. C'est Christophe Rogo. C'est le mec qui a fait Prison Break. Pas la meilleure. Il est respecté ici. Il est très respecté. Il est content. Super content que ça recommence. Ça fait 4 ans que je vous écoute et vous êtes au top. Continue comme ça. Salut mon Corentin là. Salut. Moi, mon père est mécano et la semaine dernière, il a reçu une Ferrari California et dès que le client est reparti, il est parti faire un tour avec au Calais, mort de rire. Il a fait un tour de Ferrari. Il est content. On peut le mettre à toutes les sauces celui-là. C'est marrant ça comme histoire. Il y a un autre truc que t'as vu en prison qui t'a fait halluciner avant d'envoyer la pub. Des trucs qui m'ont fait halluciner, les bagarres déjà. Ils sont des bagarres. Lycée, ça veut dire se faire éliminer. Ouais, les surveillants. Ah ouais, si, il y a un autre truc qui fait vachement halluciner, c'est qu'il y a une surveillante qui s'est fait choper avec un autre détenu, en train de le sucer. Oh là là. Attends, ils se sont sucés quoi. Et en plus, c'était la femme d'un des chefs. Oh là là. Ah, une femme. Ah, c'est une femme. Ah ouais. Une surveillante. Ah là là. Une surveillante, ouais. Elle s'est fait choper. Ouais, elle s'est fait choper. Elle cherche. Et le détenu, il a pas eu de problème. Non, bah je sais pas du tout. Le détenu, voilà, il y a pas eu de problème et tout. Ça, non, mais prison, des autres trucs qui sont chauds, des autres trucs qui sont chauds aussi et tout, c'est que. Putain, c'est. Mais pour le sexe, c'est compliqué. Ah ouais. J'ai essayé, il va aller en prison. Non, arrête, tu parles pas de malheur. Non, bah non. Je vais faire là-bas. Mais je vais péter. Non, je vais péter. Ça va dégérer. Non, arrête de dire ça. Ça va forcer la poisse. On trouvait la radio. Ah, ça fait plaisir, les mecs, grave. Bonsoir Guillaume, il y a un mec qui m'a envoyé, clique sur le lien pour découvrir qui est amoureux de toi, sinon je révèle tout sur toi, qu'est-ce que je fais? C'est un fake, je pense. Et c'est pareil à tous les fakes là, qu'il y a de moi là, sur Facebook, comme quoi on offre des téléphones sur Facebook, c'est pas vrai les gars. C'est des menteurs. Donc, cliquez pas dessus. Quand ils vous disent d'appeler des 0800 pour avoir des codes, c'est faux. Il y a que ma vraie page voilà, qui s'appelle Guillaume Play. On est 1 960 000 quasiment dessus. C'est la seule vraie page et tout le reste. Parce que j'ai même des potes aujourd'hui qui sont venus me voir en me disant. Qui croient au truc. Exactement. Non, sérieux. Non, mais alors, et le pire, c'est que vraiment, il y en a beaucoup. Alors, je sais qu'ils font ça maintenant avec pas mal de mecs dans les médias et tout ça. Ils essaient de prendre des profils un petit peu médiatisés pour pouvoir se faire des arnaques et tout. Et j'ai même un mec qui m'a dit, Guillaume, je me suis fait arnaquer 300 euros. Oh là là. Ah ouais. J'ai reçu un mail et tout. Mes parents, ils sont vénères et tout. Comment tu peux me rembourser et tout. J'ai dit, mais frérot, c'est pas moi. C'est des trucs en Afrique en plus parce qu'ils écrivent. Il faut se méfier. Tu sais, parce qu'il y a 2-3 termes qu'ils utilisent et tu le sais un petit peu. Et apparemment, c'est des réseaux africain qui fait ça à distance, un petit peu comme avant, il y avait les webcams, ils te niquaient en essayant de voir ta teub et à partir de là, ils enregistraient tout ça. Et maintenant, le nouveau truc, c'est voilà, c'est pour faire croire. Voilà. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Soyez méfiants. Voilà, soyez méfiants. Merci. C'est ça, ouais, bah oui, merci beaucoup. Comme chose incroyable, j'ai eu un torton qui salue. Ah ouais. Ah, oui. Ça a dû jouer au Pokémon. Ah, oui. Ah, non, alors, me lancez pas là-dessus. Ah, on se retrouve juste après. Vous bougez pas, on fait jeu des avec vos décalons, le jeu est fini. Hey guys, this is Avicii and you're listening to Radio Energy. Pensez énergie. It's music only. Hey, salut, c'est Koé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait des jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Vous cherchez quoi en fait? Faire des rencontres. Un moyen simple et sympa de trouver de nouveaux amis. Faire des amis, pourquoi pas trouver l'amour? Accéder à des centaines de profils qui vous ressemblent en envoyant Célib au 63602. Le premier service chat SMS de France à votre service. Simplement en envoyant Célib, C-E-L-I-B au 63602. N'attendez plus, rejoignez-les vite. Envoyez Célib au 63602. Célib au 63602. 50 centimes plus prix du SMS INRJ. Caro est sur le point de sortir pour aller chez McDo. Il ne lui reste qu'à mettre ses chaussures. Ah, les bleus, c'est bien. Quoique les rouges, ça fait longtemps qu'elle les a pas mises, hein. Non, mais les bleus. Les bleus, c'est parfait. Ça va avec son jean. Ou alors les noirs. Ou bien carrément, on change de jean. Bref, Caro se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue vu que pour l'instant, elle s'habille. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. C'est Mad sur Énergie 12, du lundi au vendredi à 17h25. Retrouvez toute la bande du Mad Mag en direct. Le Mad Mag, présenté par Martial, du lundi au vendredi à 17h25 sur Énergie 12. Encore meilleur, encore plus fort, fort. Du dimanche au jeudi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne sur Énergie. On se fait le nouveau Shakira, la bicyclette. On se la cale maintenant. Trop content d'être de retour là, mais vraiment trop trop cool. On est là en direct sur Énergie de 22h à 1h, on se fera Soprano. 22h à minuit, pardon. Ce soir, je marche sur l'eau. Si on vous demande quelle radio vous écoutez, faut bien dire Énergie de 22h à minuit, les gars. Fais un peu si tu me parles, fais un peu si tu me touches, fais un peu. On va se l'écouter en entier dans deux minutes. Juste avant, pour vous dire, on va faire Flo des cadeaux. Est-ce que t'es prêt, Flo des cadeaux, là? Putain, la star. On l'attend. Non, Flo des cadeaux, tu es prêt pour faire le jeu? Ouais, on je suis va prêt. Prendre deux d'entre vous. C'est le moment de vous inscrire si vous voulez passer sur le standard. Allez-y. Pour vous inscrire, je vais en prendre deux d'entre vous pour jouer avec nous. Le principe est simple. Flo des cadeaux va raconter 10 histoires de meurtres atroces qui sont passées cet été. Ouais. Il va falloir savoir si c'est une histoire vraie ou si c'est faux, c'est un mensonge qu'il a inventé. Il s'amuse à chaque fois à écrire des histoires qui peuvent être crédibles. Et parfois, malheureusement, la réalité est bien plus atroce que la fiction. Ah ouais, souvent. Souvent, tout le temps même. J'ai besoin de deux joueurs. Filles, garçons, peu importe. L'âge, peu importe. Vous êtes tous les bienvenus. Faut juste m'envoyer un petit SMS, vous envoyez votre numéro. Flo des cadeaux va prendre deux numéros avec le logiciel et on vous appelle tout de suite. Vous m'envoyez Guillaume au début du SMS. Sinon, il arrive pas dans mon studio. C'est pas pour... C'est pas de l'égocentrisme, c'est pas pour problème. C'est parce que si vous envoyez juste un message au 611-12, il arrivera dans le serveur d'énergie, moi je le verrai pas sur mon écran devant moi. Il faut taper Guillaume au début du texte, un espace, et vous m'envoyez votre numéro de téléphone, là, maintenant. Guillaume, un espace, 06-73-1. Vous m'envoyez votre numéro, 06-68-08. Voilà. Vous l'envoyez au 611-12, ça c'est le numéro d'envoi. Guillaume, un espace, et votre numéro au 611-12. Je prends deux d'entre vous. et on se met une petite musique qui fait peur. Flo Decadeau nous raconte 10 histoires. C'est la rentrée, première émission de l'année. Je vais vous présenter Julia qui est au standard avec nous dorénavant le soir. On va se faire un petit question-réponse. Vous allez poser des questions en direct avec nous. On va rigoler juste après sur Énergie. Rebuscando en las heridas del pasado. Que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Puedo ser llenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Y es la favorita la que canta la zona, se mueve en su cadera como un barco en la sola, tiene los pies de descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, que siempre que algún día le muestras en Tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, que sea mi pique, tú le muestras el Tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. On a gardé le meilleur pour la fin. Pour la fin. Les deux dernières heures de la journée, c'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Allez sur Énergie, bonne nuit à tout le monde les gars. On va se mettre dans une ambiance un petit peu plus dark hein, dans un instant. Et on va se raconter des histoires. Il va falloir. Vous savez à quoi ça fait penser cette musique? Ça me fait penser à la un tour film de la terreur à Disney. Ah, quand, ouais, vous rentrez, ouais, dans les, quand vous rentrez dans les ascenseurs, quand vous allez dans cette attraction à Disneyland Paris, il y a cette musique, ah, juste au début. C'est l'angoisse, ouais. Et il y a la voix de Code Quantum. La voix du mec de Code Quantum. Ça t'a marqué. Vieille série. Et ça dit bienvenue dans Twilight, la Twilight Dimension, la dimension parallèle, etc. Ouais, je sais pas si vous l'avez fait là. Tu l'as fait, Julia, qui est au standard ou pas? Jamais. Je déteste les attractions qui font peur. J'angoisse. Ah, ouais, oui. Oh putain, on a trouvé de plus chiant. Non, non, il est pas là. Non, c'est vrai, tu fais pas d'attraction. J'aime pas, j'aime plein de trucs un peu fous et tout. Pourtant, mais ça, une bourrine comme elle. C'est vrai. Ouais, je sais, ouais, j'en ai pas dit, ouais. J'aime pas être surprise comme ça, là. Ça me fait des. C'est moi qui surprends les autres. Ah, okay, voilà, c'est ça. Moi qui prends, c'est pas lui. Flo Decadeau. Ouais. Déjà fait Tour de la Terreur. Plusieurs fois, ouais. Mais tu reconnais pas? Quand on arrive dans l'ascenseur. Ah non, ouais, ça c'est. Twilight Zone, dans la vidéo. La musique de la quatrième dimension. Voilà, là, c'est ça. Exactement. Parce que Jim Sandler, on reconnaît pas là. Non, mais on l'a fait ensemble. Et on a fait quoi ensemble? Ah, mais oui, on l'a fait ensemble. Mais il a oublié peut-être. Mais ils sont forts, les mecs de la tour, pour te faire peur aussi. Ouais. Ah, c'est leur métier. Les employés Disney et tout. Ouais, c'est pas non plus. Ah, ils y arrivent bien. C'est familial quand même. Arrive. Oh, oh. Le mec, il a pris 10 ans dans la gueule. Oh, long. L'émission. l'émission, mais pourquoi vous faites une heure de moins? Salut Ibrahim. Salut, parce qu'il y a tellement de choses cette année que moi je veux pas arrêter la radio, c'est ma plus grande de mes passions dans ma vie. Et en même temps, j'ai envie de faire de la radio de qualité et pas faire de l'antenne et l'enregistrer comme beaucoup d'autres émissions. Et j'ai envie de rester en direct tout le temps et d'inventer des jeux et d'être toujours dans le dynamisme et pas de faire des émissions de 4 heures. Quand t'as dormi 4 heures aussi et que t'es éclaté et que je saigne du nez à minuit parce que je suis complètement fracassé, je préfère faire 2 heures de qualité où je rigole, où j'ai le temps de les préparer bien, que diminuer la qualité comme certains autres en général, etc. Moi je préfère faire de cette manière là que donner un truc de moins bonne qualité, voilà, parce que moi j'ai envie de faire de la radio toujours en direct avec des vraies personnes qui appellent et des vrais délires et un vrai JM du standard. Ah, je suis toujours là, Guillaume. Ouais, un vrai Julien Stéphane. Ah oui, toujours. Un vrai Flo des cadeaux. Ah oui, toujours là. Et une fausse Julien. Salut Guillaume, salut à toi. Guillaume et votre numéro de téléphone aussi. Ils sont deux, on prend deux d'entre vous. Il y a Amandine qui vient d'arriver. Bonsoir Amandine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Amandine, 27 ans ? Oui. Eh ben, très bien. Ah ben, enchantée Amandine. Je t'entends un petit peu de loin là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Amandine ? J'ai fait un BAFA et maintenant je vais rechercher du travail. Il faut que je termine mon BAFA là en fait. Ah, un BAFA quoi ? Tu peux passer un stylo, j'aime ça. Avec plaisir Guillaume. Excuse-moi, je fais les off en direct. Ouais, pour ça, les enfants le BAFA. Attends, raconte alors. Raconte. Oui, un BAFA en quoi ? Animatrice. Pour les enfants. D'accord. Bon alors, et le jeu il est pas compliqué Amandine. Tu viens dans le 59, c'est ça ? T'es dans le Nord toi ? Oui, c'est ça. Il faut que tu dises juste vrai ou faux à chaque fois. Si t'as raison, t'as un point. On va te mettre face à toi, Nogodion. Bonsoir Nogodion de Fresnes. Salut Nogodion. Salut papa. C'est bien comme ça qu'on dit, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Nogodion. Exactement. Enchanté. Enchanté. C'est de quelle origine Nogodion ? C'est ivoirien. Eh ben salut à toi Nogodion. Salut Nogodion. Comment t'appelles c'est quoi ton petit blaze, genre ton petit blazy blazou ? Nogod. Nakachu. Comment ça encore plus compliqué. Là, c'est encore plus relou. Attends, comment tu dis Nakachu. On dirait un Pokémon. Ça fait un peu un Pokémon. Ouais. C'est mignon, c'est tout mignon, ouais. Nakachu. Grave. Ça fait un peu asiatique, Nakachu. Ouais, c'est ça. Bon, Nogodion. Nakachu. Eh ben, très bien. Eh ben, Nogodion, en direct de Fresnes, hein, t'appelles, dans le 94. Val-de-Marne. Ouais, c'est ça. Qui est là ce soir, t'as 15 ans, ma chérie. T'es en quelle classe, toi, Nogodion ? Bah, au fait, je vais passer au lycée là, mais j'ai pas du tout de lycée quoi. Ah merde, c'est vrai ? Ah, c'est jeudi quand même, ouais, c'est un peu tard. Trois jours. Putain, pourquoi t'as pas de lycée ? Parce que ma principale, elle m'a fait croire que j'aurais un internat à Savigny-le-Temple. Or, rien du tout. Tu là, je galère, j'appelle les lycées, y'a rien du tout. Donc là, je suis obligée de galérer et attendre à la rentrée quoi. Ah ouais, mais. N'attends pas trop parce que. Ouais. Ah ouais, là, putain, faut faire vite hein, pour pas que tu chies une année et que tu en double, hein, c'est relou après. Hein. Tu peux avoir une semaine de retard, je pense. Ouais, ouais, mais après, faut pas trop. Une semaine. Ouais. Putain, après, bah. Les groupes, ils se forment dans la classe et tout, c'est pas bon. Ouais, c'est clair. Ah, c'est vrai, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est, vrai. Bon. Après, c'est la nouvelle, c'est on va faire hashtag un. Je suis sociable. Ouais. Faudrait qu'on fasse. Un lycée pour Nogodion. Hashtag un lycée pour un lycée pour tous. Un lycée pour Nogodion. Bon, hé, Nogod. Nogodou, non, c'est comment ? C'est Nokachu. Ah, Nokachu. Nogodou. Je me suis rendu compte de la connerie que j'ai dit. C'est le moment où je l'ai dit. Nogodou. Bon, Amandine face à Nogodou ce soir. On va voir qui est la meilleure. Vous allez dire vrai ou faux. Flo des cadeaux. Ouais. T'as 10 histoires de meurtre. C'est ça. Il faut essayer de réfléchir quelle est la vraie, quelle est la fausse. Tu commences par la première. On essaie de deviner. Après, on t'écoute. Alors ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, c'était cet été le 25 juin, c'est des voisins qui ont porté plainte contre leurs voisins puisque sur son balcon, ils ont trouvé des têtes décapitées donc, qui étaient empalées sur des pics. Et en fait, l'homme a tué 3 personnes dans sa maison et a empalé les têtes sur des pics sur son balcon. Dans quelle ville ? Dans quel pays ? C'est au Nouveau-Mexique, à Albuquerque. Albuquerque. Voilà. Pourquoi tu parles très bizarre ? Je sens qu'il a changé de LSD ou quoi ? C'est pour le suspense, non ? C'est... Alors, il est arrivé. Il me regarde avec des grands yeux. Oui, c'est lui qui a tué le. Je me suis remis dans le personnage. C'est ta biographie ou quoi ? J'aime du standard. Il s'est cru d'un fait André l'accusé. C'est ça. Il a fait ça de l'acte de merde, il compte, hein ? Voilà, merci. Au Nouveau-Mexique d'Albuquerque, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux d'après toi, Amandine? Tiens, on va commencer par toi pour la première. Est-ce que tu crois que c'est une histoire vraie, les 3 têtes empalées sur le balcon? Non, c'est faux. Toi, pour toi, c'est un faux. Nogodion? Franchement, je dirais vrai. Parce qu'on ne sait jamais, les Mexicains, ils sont chauds dans leur tête. En fait. Merci. Voilà. Précision. On est chez nos goudous, quoi. Sauf que c'est au Nouveau-Mexique, c'est aux États-Unis. Ah, c'est un État. Nouveau-Mexique, c'est un État américain. Albuquerque. Donc, c'est, en fait, c'est aux États-Unis. Ouais, c'est ça. C'est une région, quoi. Mais en fait, ça s'appelle le Nouveau-Mexique. C'est trop comme l'Orléans. C'est vrai, c'est vrai. La Nouvelle-Orléans. Ou la Grande-Bretagne, mais comment vous. C'est pas la Bretagne, genre. Ah ouais. En vrai. Mais elle est plus grande. Quand je comprenais pas au début. Mais la Bretagne, c'est vers la Bretagne. La Bretagne, j'ai mis la Grande-Bretagne, ouais. C'est quoi? C'est pas loin en même temps. C'est pareil, mais c'est plus grand. Merci. Nogodion a dit vrai. Amandine a dit faux. Je stagiaire, est-ce que tu penses que c'est vrai ou ouais, faux? Moi, je pense que c'est vrai, ouais. C'est tu possible. C'est vrai. Julia, qui est au standard, est-ce que tu penses que c'est vrai ou faux l'histoire des trois têtes empaillées sur le balcon? Non, je pense pas. Albuquerque, c'est trop cliché. Ah bon? Je sais pas, c'est la. Comment la phrase. Franchement, Albuquerque, c'est l'exemple typique pour les gens. C'est la ville principale du Nouveau-Mexique, comme par hasard. Il se passe des choses. Bah, en même temps, c'est malheureusement souvent dans les capitales qu'il se passe les bêtises. Ah, ouais, j'y ai vu son ouais, vrai. Toi, tu dirais vrai. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Merci. Alors, entre l'autre qui. je m'y connais, on a vu. Même j'ai eu bug plus Albuquerque. Non, alors moi, je dirais que c'est faux, Flo des cadeaux. Non. Je suis stagiaire, toi, tu dirais que c'est vrai. C'est sûr, c'est vrai. Moi, je dirais que c'est faux. Et la réponse est. Eh ben, c'est faux. Pour Amandine. Très bien. Ça commence bien. Premier truc. Il m'est arrivé une grosse galère cet été avec des potes bourrés. Je te raconte si tu veux, avec plaisir, man. Ça fait 4 ans que je vous écoute. Salut les gros. Bah, c'est gentil. Hein. Salut Ayem. Sera sur quoi ta chronique dans TPMP sur les pires loose des gens. Ça va être très drôle. Bienvenue à la Julia. Bon retour à vous pour cette nouvelle saison. Mais pourquoi donc? Ah, merci beaucoup. J'ai compté d'une heure plus que 2 heures au lieu des 3 heures habituelles. Il faut mieux 2 heures. Des bonnes heures. Que 3 heures. avec de l'eau enregistrée, etc. Voilà, vous préférez. C'est la meilleure solution qu'on ait trouvée pour rester à faire de la vraie libre antenne à l'ancienne. La meuf Nogoudou qui passe, elle est déjà passée pour une histoire de gros cul, mais elle s'appelait pas comme ça. Salut Ibrahim. T'es déjà passé avec nous, Nogoudion? Non. Ah, si. Cramé. C'est pas ça. De quoi? Non, au fait, je suis déjà passée, mais sauf que j'ai pas dit Nogoudion, j'ai dit Zaina, et Zaina c'est mon deuxième prénom parce que c'est trop l'archuma de s'appeler Nogoudion en fait. Ah, parce que bon, ça, on allait me baser sur mon prénom. Et attends, et donc c'est trop l'archuma. attends, et donc Nogoudion l'archuma. Pourquoi tu. Et, non, mais t'étais passée pour une histoire de fesses? Non, j'ai que 15 ans. Bah tu peux. Hein, non mais une histoire de grosses fesses juste. Ouais, ouais. Genre physique quoi. Non. C'était ouais, pas toi qui étais enfermé chez toi qui a pas le droit de sortir. Ah, à cause de ta mère. Il a raison lui Ibrahim. Genre. Elle fait l'étonné. Non mais toi tu fais genre l'étonné déjà t'es passé non. Ouais. Ah l'escroc. T'as pas mis longtemps à réfléchir ma chère. On se fait l'énigme dans 2 minutes. J'ai des les iPad Air 2. Allez deuxième histoire Flo des Crado. On t'écoute quand tu veux. Alors là, ça s'est passé très récemment. C'était il y a 15 jours, le 15 août. C'est en France, en Isère, à Crolles. Un homme qui a rencontré un autre homme sur un site de rencontre homosexuelle. Ils se sont donné rendez-vous dans une forêt pour une rencontre SM. Donc le mec est arrivé avec une cagoule et une combinaison. Il a attaché donc cet homme à un arbre pour commencer à lui faire des trucs SM. Le problème, c'est qu'en fait, après l'avoir attaché à l'arbre, il a pris les clés de sa bagnole, il s'est barré avec. Et donc le mec a été retrouvé par la police en fin d'après-midi parce qu'il arrêtait pas de gueuler et il a été porté plainte pour vol. Donc il n'est pas mort? Non, il n'est pas mort, mais il s'est fait assez humilier. Il s'est fait assez humilier et voler la voiture. Ouais, Nogodion, tu penses que c'est vrai la chouma là? Franchement, ouais, parce qu'il y a des gens ils sont trop chelous ici. Toi, tu penses que c'est vrai? Amandine? Ouais. Ouais, je pense que c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a des gens chelous. Ouais, moi, ça me choque pas, hein. Juste agir. Ouais, ça me choque pas, c'est vrai, c'est un voleur de voiture. Non, faux, Guillaume. Faux. Jua. Vrai. Vrai. Mais après aussi, ça peut être faux, hein, parce que c'est trop. Oui, petit, mais il faut choisir. C'est l'un ou l'autre, de toute façon. On va dire vrai. T'as dit vrai. Flo des cadeaux. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur. J'allais donner ma réponse en fait. Pardon. Et j'allais dire faux, donc tu m'arranges. Ah, pardon. Et c'était vrai. Un point pour Amandine et un point pour Nogodion. Tu vois, Nogodion, t'as bien fait de pas changer. Ouais, heureusement. Allez, avant de se faire l'énigme, troisième histoire de meurtre atroce. On rentre dans le glauque. Flo des Crado, c'est à toi. Alors là, ça s'est passé dans un fast-food en Australie, à Perth. C'est un homme qui est donc entré un vendredi pour aller s'acheter un burger, qui est allé aux toilettes. Et en fait, il n'en est jamais ressorti. Il est mort dans les toilettes. Et il a été retrouvé que le lundi matin. Il a passé 3 jours dans les toilettes du fast-food sans que personne s'en rende compte. Et c'est le lundi, à cause de l'odeur, que le personnel a été ouvrir les toilettes et qu'ils ont retrouvé le cadavre. C'est où ? À Perth, en Australie. À Perth, en Australie. Un fast-food, Amandine. Un mec qui est mort en chiottes. Enfin, c'est possible, une crise cardiaque. Ouais. Ouais, si. Tu peux mourir partout, malheureusement. Ouais, mais 3 jours. Toi, tu dirais vrai ? Ouais. Nogodion ? Moi, je dirais faux. Toi, tu dirais faux ? Moi, je dirais faux quand même. J'ai un stagiaire. Ouais, c'est faux. Pourquoi ? 3 jours quand même mort, l'odeur, je la sens quand même vrai. Les clients, pourquoi ils la sentent, je sais pas. Mais t'as, mais essaye de réfléchir. En Australie, ouais, je me dis, ouais, peut-être que ça peut arriver. Bah, ça veut rien dire. Ah, mais en France, en Australie, c'est pareil. C'est... Non, je te jure. L'humain, il s'en fout. Putain, j'essaie de trouver des trucs. Ah, il me fatigue, pas. Putain. Ah, c'est que la première émission. De faire un truc construit. Il est content. Ça lui va bien, je sais. Julia qui est au standard. Je suis pas sûr que le corps pue au bout de 3 jours, donc je dirais faux. Moi, il pue au bout d'une journée. Moi, quand tu sors mes aisselles, c'est direct. Écoute, qu'il y a un mort, je dirais que c'est faux pour deux raisons. Alors là, je m'enfonce quand j'explique parce que parfois j'ai tort, régulièrement d'ailleurs avec ce jeu. Je dirais pourquoi il est fermé tout le week-end le fast-food. Non, il est ouvert. Il est ouvert. Et personne n'a vu que le mec était dans les chiottes fermé. Il n'y a pas de client. La femme de ménage est pas, c'est la déclarant, c'est ouvert. Et le vigile, il regarde ses personnes dans les chiottes avant de fermer. Il y a des caméras au pire. Donc je dirais faux, Flo des cadeaux, et la réponse est. Bah c'est vrai. C'est pas possible. Voilà. Un point de plus pour Amandine et toujours un point. Donc ça fait 3 points pour Amandine, un point pour Nogodion. Franchement, c'est que c'est pas un McDo le truc, parce que c'est une chaîne Hungry Jack, ça s'appelle. Ah ouais, d'accord. Mais bon. Jacques Caffin, quoi. Jacques Caffin. Ouais, et c'est ouvert 7 jours c'est sur 7. C'est pas Jacques Ali, c'est Jacques Caffin. c'est pas une blague, non, mais c'est ça, ouais. Et c'est ouvert 7 jours sur 7, du coup, il y avait des gens qui passaient à côté de lui, qui allaient aux toilettes, et même le nettoyage, ils l'ont pas vu. D'accord, ok. Ils ont pensé que c'était peut-être en fermé, voilà. Ouais, la déco. Ça s'est passé quand, ça ? Le 23 juillet. Ah oui, donc c'est une vraie histoire. Jour de mon anniversaire. Très bien. Allez, encore autre chose. Pardon, Julia, qui est en jour de mon anniversaire. Merci, Julia. Moi, je suis une vie perspicace. qui a interrompt l'émission pour des choses très intéressantes. Tu as quel âge cet été, 23 juillet ? 23 ans, écoute. Eh ben, c'est magnifique. Voilà. Bon anniversaire en retard. C'est une théorie du complot. Ah ouais. Je pense que les extraterrestres sont venus. Faut des cadeaux, on t'écoute. Alors là, ça s'est passé au Brésil. C'est pendant un contrôle de police, un homme qui a voulu cacher une de ses armes à feu et qui, du coup, dans la panique, a essayé de cacher son arme à feu dans son anus. Le problème, c'est que le coup est parti et donc la police l'a retrouvé. Il était en sang, ils ont essayé de l'amener à l'hôpital, mais il est mort sur le chemin. C'est où ? Au Brésil. Il s'est tiré dans le trou de cul ? Voilà, il a voulu cacher son arme. Et donc, c'était quoi ? C'était un fusil, genre ? Ça rentre pas derrière l'arme. C'était un pistolet, et dans la panique, il a voulu la cacher comme il pouvait. Tu la jettes ? Le coup est parti. Nogodion. Bah, c'est impossible, il n'a pas le temps d'enfoncer le truc. Bah, justement, il s'est pris une balle dans le cul. Il a essayé. Ouais. Il est mort ? Oui, il est décédé. Une balle dans le cul, t'es mort. La police a essayé de l'amener à l'hôpital et il est décédé sur le chemin. Très bien. Tu dirais quoi, Nogodion ? Moi, je dis que c'est faux. Faux, Amandine ? Ah, j'hésite, là. C'est vrai ou faux ? C'est pas logique, hein. Toi, tu dirais faux ? Ouais, faux. Faux, ouais. Il y a 2 réponses fausses, j'ai un stagiaire. Je veux dire que c'est vrai, il a pas eu de chance, le mec. Un revolver dans le trou de balle. Il s'est rentré et bam, la balle. J'ai eu le standard. Vrai. Habitué, au Brésil, il y a beaucoup d'armes à feu. Ouais, ok. Consultant, c'est vraiment. Eh, au moins, j'essaye. Moi, je pourrais pas jouer au poker, le mec, il jetterait les pièces, tu sais, au hasard, quoi. Mec, il te nique la partie parce que c'est le mec, c'est genre de con comme ça qui gagne, il est dans les parties de poker. J'avoue, c'est trop simple. Alors, attends. Qu'est-ce que je voulais dire ? Julia qui est en stage, qui est au standard maintenant. Je dirais faux. T'es plus en stage. Oui, je dirais faux, franchement. Tu dirais faux ? Ouais. Le revolver dans l'anus, moi, je dirais faux aussi. Flo des cadeaux, la réponse est. Ouais. Non, c'est faux. Ah, c'est possible. Deux, 4 pour Amandine et 2 pour Nogodion. Allez, une dernière et puis après on fait l'énigme. Okay. Flo des Crados, on t'écoute pour la dernière. Alors là, ça s'est passé en Suède, à Stockholm. C'est un homme d'une 50aine d'années qui a été retrouvé dans la rue, qui baignait dans une mare de sang avec un ciseau qui était planté dans le corps. La police a mené l'enquête et a découvert dans tout le quartier des voitures qui avaient des pneus crevés. Et après l'enquête, ils ont découvert qu'en fait, c'était lui qui s'amusait à crever des pneus. Sauf que un a explosé et a projeté son ciseau dans ses organes vitaux. Et donc, il est mort dans la rue avec son ciseau planté en lui. C'est gros. C'est comme avant l'histoire, là. pendant qu'il crevait des pneus. C'est pas de chance, hein. On en a parlé en plus des pneus qui explosent. Non, Godion. Moi, je dirais que c'est vrai. Ouais, Amandine. Ouais. Ouais, vrai. Julien Stagiaire. C'est faux. Trop gros l'histoire là. Julia. C'est pas possible. Vrai, pour moi, vrai. JM du Standard. Faux. T'imagines, le mec, il a vraiment pas de chance quand même. Ah ouais. Paf, ça explose. Ouais, moi, je vais dire vrai. Il est con, hein. C'est pas assez grand les pneus de voiture, les explosions je crois. C'est les flots des cadeaux. T'es content parce que c'est faux? Elle dit faux. J'ai dit vrai. La réponse, flot des cadeaux, je dirais que c'est faux. Et la réponse est. Bah c'était le 20 août, c'est vrai. Rigoler, du coup j'ai changé ma réponse. Je me suis dit, il est pas capable d'avoir inventé ça, c'est trop. C'est pas, je veux dire, c'est pas hyper gore et puis c'est con. Ouais. Donc, c'est possible. Ouais, mais c'est improbable. Et ben, c'était vrai. Donc 5 à 3, c'est Amandine qui Tu veux faire une dédicace aussi, ou quoi? T'as dit quoi, Nogodion? Elle a commencé la première, elle avait le choix. Calme ton seul. Sois fair play. Toi aussi, t'avais le choix. Et surtout, oui. Et surtout que je t'ai laissé 6 phrases sur 7 commencer, Nogodion. C'est vrai. Je trouve que. C'est pas le seum, en fait. C'est pas le seum. Bah, ton seum, tu le roules et tu le mets. Hein. Il le rentre, Nogodion. Hein, Nogodion. Allez, alors attends, elle est où la mauvaise foi? Elle est où? Allez, dans Nogodion. Amandine, tu veux faire une dédicace, ma chérie, qui a gagné? Bah, tous mes amis de la Seine-et-Marne, à Emma du 61, à Sonia, et puis bah voilà. Vas-y, pas de problème. Eh ben, il n'y a pas de problème. Félicitations. En tout cas, Amandine, je vais te repasser Flo des cadeaux pour t'envoyer un petit cadeau à la maison, d'accord? D'accord. No God, tu veux faire une dédicace? No God. No God ou No Godion? No Godion. No Godion, tu veux faire une dédicace, Nono? Ouais, je vais faire une dédicace à Kumba, à moi, après à Guédia, parce qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire, donc bon anniversaire toi. Et bah, à tout le monde, et c'est tout. Y a pas parce de problème. Je me souviens pas de leur prénom. Eh ben, t'as bien raison. Ah bah ouais. T'as bien raison. Faut faire et une à Aya aussi. Et à Joëlla. À Joëlla. J'ai retrouvé plein de génériques de. Agalas, mon gars. Allez, bronzez. Ah non, mais je vais chercher autre chose, mais je l'ai pas retrouvé, tant pis quoi. Pendant tes dédicaces, je voulais te faire une petite blague et tout, mettre des musiques, mais je les ai perdues malheureusement. Non, putain, je sais plus, merde. J'avais des trucs marrants en plus à te mettre là, je voulais. Excuse-moi, mais à un moment, t'as demandé ce que Kuma ça voulait dire Allez, c'est les Kuma. De quoi? En fait, c'est dire laisse-les parler. Ah oui, non, mais je sais parce que c'est, elle le fait une fois en arabe, une fois en français. Ouais. Ah, on a traduit. D'accord. Non, mais c'est vrai, oui, je crois qu'elle le fait dans la chanson. Laisse-les parler. Ouais. C'est la chanson de Zao. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Oh, c'est quoi, on se le fait maintenant, tiens, les Kuma là. Ah, Nogodion, c'est pour ta Kuma à toi. On se le calme maintenant et juste après, on se fait l'énigme. Et je vous file des PS4 et les iPad Air 2 sur Énergie. Bisous, Nogodion, bisous, Amandine. Bisous. Allez, bisous, les potos. On est ensemble jusqu'à minuit, hein. Encore 40 minutes. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Nogodion? Au fait, je voulais te dire merci parce que tu m'as donné deux places pour aller voir les One Direction. Quand ça? Je crois que c'était en 2013 ou 2014. Ah bah voilà, quand vous passez, vous gagnez. Ouais. Je t'embrasse, ton Godion, avec plaisir. Salut, bisous. La force des Wendy, c'est avec toi. Allez, gros bisous en direct jusqu'à minuit, c'est le retour. Guillaume, Radio 2.0, hashtag le retour de Guillaume, on est en top tweet sur Énergie là. Si tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. C'est pas leur temps. Je m'en jaillis. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les Kuma. Laissez-les parler. Laissez-les Kuma. Laissez-les

encore plus fort. Du dimanche au jeudi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, on se fait snack après. Prochain morceau, on se le cale avec Justin Bieber, Let Me Love You, bonne nuit à tout le monde. Donc vous soyez les gars dans le nord, dans le sud, à l'ouest, en Corse, en Belgique, en Suisse, merci beaucoup d'être avec nous, de nous écouter à l'étranger. Cet été, j'ai eu l'occasion de rencontrer dans la rue des mecs qui sont venus me voir et qui nous écoutent tous les jours de Thaïlande. Voilà, donc j'embrasse tous ceux qui écoutent l'émission tous les jours. Salut. De Thaïlande, de 5h à 8h du matin. Ah, c'est le matin, ouais. Et voilà, quand ils se réveillent pour partir tôt à l'école et tout, ils nous écoutent sur les scooters avec le 3G là-bas et ils m'ont raconté un peu quand ils nous écoutent, c'est ouf. C'est énorme, t'imagines. Donc voilà, peut-être que c'est le matin chez vous, peut-être que vous nous écoutez sur energie.fr, sur l'application. En tout cas, merci d'être là et de partager la plus grosse radio de la planète, hein, 37 pays, je crois, Énergie. Merci beaucoup d'être avec nous. Et si vous voulez passer, vous êtes vraiment à la maison. Ça reste une radio familiale, on est à la maison ici et vous nous appelez. Et c'est gratuit depuis un fixe 0870 70 42 48. 0870 70 42 48. Par texto, si vous voulez balancer un petit message pour que je te dise à l'antenne, vous le commencez par Guillaume au 612. On se fait juste une énigme avec Emma qui est là pour filer tranquillement un cadeau. Il y a des PS4, il y a des iPad Air 2, il y a des enceintes Bluetooth Bose, il y a des bracelets connectés, les Fitbit. Il y en a pour tous les goûts. Si vous voulez un bracelet connecté pour aller courir, si vous voulez une enceinte Bluetooth ou un iPad ou une PS4, bonsoir Emma. Allô, bienvenue, c'est qui, papa? Bah, c'est qui? Salut, vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir. Enchanté, Emma, ça va bien? Enchanté. Vous allez bien, Emma? Oui, ça va. C'est ouais, bien. Super. Oui, c'est vous. Je vous ai déjà vu quelque part, Emma? On s'est jamais rencontrés. Non, j'aurais bien aimé, mais non. On ne s'est jamais rencontré, d'accord. C'était pas toi la gynécologue de Dr. Quinn, femme médecin Non, non, c'était pas moi. Moi, j'avais l'impression que non, ça me dit quelque chose. Votre voix me dit quelque chose, non? Vous êtes sûr, hein? Non, non, non. C'est pas vous qui vous faites casser la gueule dans Fight Club à 12 minutes 50, c'est pas vous? Non. Oh, quelle voix, quelle belle voix. Vous avez une belle voix, Emma, vous avez une belle voix. Merci. On se vous voit, on fait comme à la télé, Emma. Ah, oui. On se les met snob. Un bâton dans les fesses. Ah. Oh. Oui. Oh, bonsoir, Emma. Bonsoir, Emma. Je suis avec. Je suis avec Patricia, mon assistante. C'est la nuit sur Radio Clacla. Ah oui, bonsoir. Je suis Patricia, l'assistante sur Radio Clacla, 23h31, tout juste à l'instant. Nous allons passer dans un instant du Mozart. Ah oui, Wolfgang Amadeus Mozart. Ah, Mozart. Nous sommes avec la deuxième assistante, l'assistante de l'assistante. Patricia, son assistante aussi. Oui. Elle s'appelle Fulbine. Bonsoir, moi c'est Fulbine, enchantée à toutes. Je vous parlez trop fort, Fulbine, s'il vous plaît, vous parlez trop fort, vous allez me les réveiller. Vous respirez trop fort, chut, baissez les décibels, je vous en supplie. Est un peu chpoun sur les bords, vous parlez trop fort, que l'animatrice aussi, tout le monde parle trop fort, j'en peux plus. Patricia, je l'ai repérée dans un centre spécialisé, mais elle a un bon fond. J'ai fait ma bonne action, ma bonne œuvre. Calme-nous. Je l'ai emmenée en pèlerinage avec moi pour qu'elle se calme, et rien n'y a fait. Trop de décibels en moi. Alors Patricia, oui. Je vais vous laisser lancer notre nouvel artiste, oui. Flubert Algenstein, oui. Qui est le petit-fils de Frédéric Albenstein, ce grand pianiste qui a notamment explosé le hit parade en 1837. Tout à fait. Lors de son passage à Venise, il a perdu sa maman dans une gondole. Sachant pas nager, il inscrit au Requiem de Mozart, Je ne sais pas nager, volume 2. C'est ce que lui valait le Energy Awards. Je parle trop fort. Je suis. Ça ne veut rien dire, surtout. Je ne sais pas, je ne veux rien dire tout seul. Il y a l'assistante de la. Merci, attendez, on dit. Ça n'a aucun sens, ça, ce soir. Bon, Emma, carrière sur scène, oui. 78, dans les Yvelines. Salut, salut. Ouais, c'est ça. Enchanté, voilà. Enchanté. Dédicace. Merci de nous appeler, Emma, c'est sympa. Merci, ouais. Ah bah de rien, mais ça fait hyper longtemps que je vous écoute. En plus, genre, j'attendais ça depuis super longtemps. C'est vrai. Ah bah voilà. Écoute, c'est trop 2012. Sympa. C'est depuis quand à peu près? T'as une. 2012. Ouais. Oh putain, c'est dingue. 4 ans. Ah ouais, 4 années quand même. C'est fou. T'as entendu l'intro qu'on a mis ou pas, non? Ouais, elle était grave stylée. Au début d'émission, ah ouais, on a fait une intro de cinéma. C'était génial. J'espère bien te voir et te donner ta tour Eiffel. Oula. Oula. Trop bien de te retrouver, Amandine, 27 ans de ce matin. Bonsoir à toi. Là. On vous écoute sur le retour, vous déchirez quand il est comme ça. Excuse-moi, j'ai lu un petit peu de message parce que vous êtes hyper nombreux, ça nous fait trop plaisir. Vous m'avez manqué, les gars, trop contente. Morgane de Rouen. Vous n'avez même pas raconté vos vacances, les gars. Ah ouais, on a un an pour ça. Bah oui, c'est vrai. On vient de vivre dehors. Voilà. C'était beau. Déjà, on va passer un mois juste pour Julien Stagiaire à nous raconter. Ah ouais, j'ai des trucs, ouais. Il y a des gros trucs à raconter. Ah oui, c'est vrai. Enfin, on va le. On va parler demain, on a le temps. Oui. Et on a surtout le temps, surtout que l'émission dure 2 heures, on n'a même pas le temps de dire bonjour. C'est, ça fait bizarre de dire que ça fait 25 minutes. Ouais. J'ai l'impression de même pas avoir commencé cette émission, qu'elle est déjà terminée. À 2 heures, on peut pas rester. Ah putain, j'aimerais bien. Franchement, rester poussé. 2 heures, c'est pas 3 heures. Ah ouais, c'est clair, putain. Bon, en tout cas, Emma. Oui. Tu venais lâcher l'énigme, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors cette année, on va partir sur des énigmes de 6 phrases. Il faut trouver la bonne réponse. Vous m'envoyez un petit texto qui commence par Guillaume au début. Guillaume, un espace, la réponse de l'énigme avec votre numéro de téléphone dedans pour que je puisse vous rappeler. Voilà, Guillaume, un espace, par exemple, chapeau avec votre numéro 0661 et vous l'envoyez au 6 11 12. C'est parti pour cette énigme, et après je vais lire les réponses qui arrivent par SMS. Dès qu'il y a la bonne, on fait un tirage au sort, on appelle le gagnant. D'accord, Laura, Emma? Oui, ça marche, okay. Allez, c'est parti, on t'écoute quand tu veux pour cette petite D'accord. énigme. Alors, on écrit sur celles de papier, certaines se roulent pour fumer, il y en a à dessein. Dans les contrôles, on en utilise des doubles. Attends. On écrit sur celles de papier, certains se roulent pour fumer, il y en a à dessein. Dans les contrôles, on en utilise des doubles. On écrit sur celles de papier, certaines se roulent pour fumer. Il y en a à dessein. Dans les contrôles, on en utilise des doubles. Qui suis-je? Voilà, Guillaume donc. Et la bonne réponse au 6 11 12, si vous avez trouvé. On écrit sur celles de papier, certaines se roulent pour fumer. Il y en a à dessein. Dans les contrôles, on en utilise des doubles. Qui suis-je? Vous envoyez donc Guillaume un espace, ce mot que je cherche là, avec votre numéro de téléphone. Je vous file des PS4, des iPad Air 2, des enceintes Bluetooth Bose, des bracelets connectés. Donc, s'il y en a un qui veut vite fait, bien fait, une petite PS4, vite fait, bien fait aussi. Ah, bonne chance. Un petit iPad Air 2. Allez-y, Guillaume, et votre message aussi. 112, ma prof d'SVT, quand elle dit etc., etc., je penserai à toi, cœur sur vous. Salut le Suisse, gros bisous. Salut. J'étais au concert quand Siga partit à Bastia fin juin, c'était au top, vous assurez sur scène les mecs. Ah, c'était énorme à Bastia. Grazie mille, merci. Comment on dit Grazie mille? Grazie mille. Grazie mille. Merci. Non mais ça nous a fait trop plaisir. La Corse, j'ai surkiffé la Corse. Moi je me suis éclaté. C'était un bonheur absolu, hein. Mais pour de vrai, vraiment, c'était génial. Guillaume est la bonne réponse de cette énigme. On écrit sur celle de papier, certaines se roulent pour fumer, il y en a à dessein. Dans les contrôles, on en utilise des doubles. Qui suis-je? Emma qui est avec nous ce soir. Alors je vais lire les messages, tu me dis si c'est bon ou pas, d'accord? D'accord, ça marche. Allez-y rapidement, hein. Guillaume est la bonne réponse au 612, histoire de vous filer rapidement les cadeaux aussi. Faut envoyer Guillaume et le mot, hein, vous trompez pas, hein, le mot que je cherche surtout, avec votre numéro. Qui suis-je? Alors, est-ce que tu auras une cinquième phrase? Oui, alors les arbres en sont remplis. On écrit sur celle de papier, certaines se roulent pour fumer, il y en a à dessein. Dans les contrôles, on en utilise des doubles. Les arbres en sont remplis. C'est le mot qu'il faut chercher chaque soir. On s'amuse à faire ça. Guillaume, donc, est le mot avec votre numéro 612. Je vous rappelle qu'il y a des PS4 et des iPad Air 2. Avant de vous filer, on va parler de cul. Après vous avoir fait des cadeaux, on va parler de cucu. On va passer Julia, qui est au standard maintenant. Vous allez venir poser des questions pour Julia. On va poser Julia sur la France. Ouais, on va l'exposer. La France va monter sur Julia. Poser des cadeaux. Il y aura du monde. Vous allez être 1 million à vous lâcher sur Julia, qui est au standard. Ah ouais. Lâchez votre question, bien sûr. Ça va faire beaucoup. Hein. On va voir un petit peu. Elle va être recouverte de questions. Ah. On va voir ça. Emma, est-ce que tu aurais la dernière phrase, s'il te plaît? Oui. En automne, les mortes tombent. Qui suis-je? En automne, les mortes tombent. Les arbres en sont remplis. Dans les contrôles, on en utilise des doubles. Il y en a à dessein. Certaines se roulent pour fumer. On écrit sur celles de papier. Qui suis-je? Guillaume, la bonne réponse, votre numéro 612. On parle de cul juste après DJ Snake et Justin Bieber. Et je vous fais les cadeaux sur Énergie. Première émission de France. Hein. Guillaume Radio 2.0, on prend la place, les gars. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up. I won't give up. Let me love you. quand 2 heures valent plus qu'une journée entière. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Du dimanche au jeudi sur Énergie. Allez sur Énergie là. En direct à 23h41, là, Guillaume Radio 2.0. Trop content d'être de retour. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me vois, je fais un peu. Si tu me parles, je fais un peu. Si tu me touches, je fais un peu. Car moi, ce soir, je suis en feu. Putain, trop content d'être rentré, ça fait trop plaisir d'être ensemble. Alors Emma qui était là, qui nous avait lâché l'énigme juste avant, on va te reprendre pour filer les cadeaux. Il y a des PS4, il y a des iPad Air 2, des enceintes Bluetooth Bose à filer. On écrit sur celle de papier, certaines se roulent pour fumer. On va la faire vite l'énigme parce que après il y a quand même un peu de Paris de cul. Et on veut qu'on ait jusqu'à minuit, il faut quand même qu'on ait le temps de parler. En 20 minutes. J'ai dansé sur Soprano, je suis c'est du sport. Il est content. On écrit sur celle de papier. Certaines se roulent. Je me suis défoulé là. Respire. Je me suis rappelé sur scène sur l'NMT. C'était quand même dingue. Je reste fidèle au Mario. On écrit sur celle de papier, certaines se roulent pour fumer. Il y en a à dessein dans les contrôles, on en utilise des doubles, les arbres en sont remplis. En automne, les mortes tombent. Voilà, Guillaume donc est la bonne réponse avec votre numéro de téléphone dedans au 6 11 12. Qui suis-je? Réfléchissez bien ce que ça peut être. Il y en a qui dit une feuille, est-ce que c'est une feuille, Emma? Ça va aller vite, oui, elle est facile. C'est ça, bravo. Ah bah voilà, pour la rentrée, c'est un peu facile. De se faire un jeu des hôtels et de poser des questions sur Julia, nouvelle. Nous sommes une petite équipe, alors quand il y a une nouvelle personne, tout le monde la regarde en chien faillant. C'est vrai. Sans comprendre un petit peu qui est-elle. Non, je plaisante évidemment, mais c'est pour savoir un petit peu qui est-elle. Vous pourrez venir lui poser des questions. Ouais. Toutes les questions sont autorisées, je précise. Tous les coups sont permis. C'est la fête foraine. Donc, je vais prendre un gagnant déjà. Je vous offre le cadeau. On va faire tourner la roue des cadeaux d'ailleurs, pour vous offrir des trucs ce soir, voir un petit peu sur quel cadeau on tombe. Et juste après vous avoir offert le cadeau, on va poser des questions sur Julia. Vous allez venir les poser à l'antenne et en envoyant un petit SMS. D'ailleurs, vous pouvez déjà envoyer un SMS maintenant. Ouais. Pour Julia, vous envoyez Guillaume un espace Julia avec votre numéro au 6 11 12. Je vous jure, je vous appelle. Regardez. Voilà, Guillaume un espace. Guillaume un espace. Julia avec votre numéro de téléphone au 611 12, Flo des cadeaux. Ouais. T'es devant le standard. Ah, au taquet. Et tu vas appeler direct. On est d'accord. Merci beaucoup. Non mais c'est important que tu appelles direct parce que faut que ça aille vite. Hein. Elle est où la roue des cadeaux GM du standard? Elle est pas en 12. Alors attends, c'est vrai que c'est une bonne question. tu l'as changé de place. Non, je t'ai amusé cet été. Non, mais elle est pas là la roue des cadeaux. Ah merde. GM du standard. Je vais la retrouver. Ah ouais, bah retrouve-la vite parce qu'en fait, c'est qu'à un moment, elle est sous le. C'est pour maintenant. J'aime bien ces GM du standard. Le mec, il est pas stressé. Quoi. Il est au calme. Il a cette magie. Vas-y, GM du standard, cherche-le là. Pas dehors, appelle le mec qui range. Je vais, le mec qui me regarde en souriant. Quoi. Appelle SOS. Ah, bien, je suis à l'antenne et qu'on en a besoin de cette roue des cadeaux. Pour vous expliquer, je vais prendre le numéro de téléphone de l'un d'entre vous au hasard avec un logiciel. Ça va tomber chez l'un d'entre vous. Et après, le principe est très simple, hein, c'est-à-dire qu'on fait tourner une roue où il y a tous les cadeaux, etc. Tu l'as retrouvé C'est rapide. Très bien. Viens, amène-la-moi directement. Hein, ça sera plus simple. Hein. J'appuie sur le petit bouton. Emma, on va appeler quelqu'un. Je te propose de lui parler, toi. Ça soit toi qui lui dise enchanté comment tu t'appelles. C'est toi qui fais l'animatrice, d'accord? Ah, tu lui parles, quoi? Ah, d'accord, ok. Pas de problème. Ok, moi je parle plus. Hein. Ça soit clair. Okay. Ah, tu gères, Emma. Hein. Allez, très bien. Ouais. Allô. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, tu as gagné l'énigme. Oui. On est sur Énergie. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Tu viens d'où? Je viens de Apaka. De Nice, exactement. D'accord, ok. Et t'as quel âge? J'ai 26 ans. Ah d'accord. T'as un boulot? Oui, je suis pompier volontaire. Est-ce que je peux faire une dédicace s'il vous plaît ou pas? C'est possible ou pas? Pardon? Est-ce que c'est possible de faire une dédicace? Oui, bien sûr, oui. C'est au plaisir. Une dédicace à tous ceux de Nice qui me reconnaissent, à tous ceux de JGT Radio, bien entendu. Et à vous aussi, Énergie. Ouais. Ouais. Je kiffe Énergie tous les jours, j'écoute Énergie. Guillaume, Merci, merci Énergie. Je vais retourner la roue des cadeaux et on va voir ce que tu vas gagner. D'accord, ok. Une PS4. Eh ben, c'est tombé. Bravo. Oh là là. Bien joué, bravo. Bravo. Elle est tombée, la PS4. Bien joué. Ok, ça te va ou quoi? C'est quoi ton prénom, le pompier de Nice? Alexis. Alexis, enchanté, mon Alexis, là. Bravo, mec. Hey, Guillaume. Félicitations, Guillaume. Les pompiers à Nice, là. Guillaume, et merci pour avoir fait le snap-lash pour les pompiers. Merci beaucoup, Guillaume. La dédicace pour les pompiers, on sait exactement, ouais. Je mettais cette musique-là. Je mettais ça, là. Oui. Et je faisais une dédicace avec la grosse voix. Attends. Vas-y. Une dédicace pour tous les hommes et les soldats du feu, ceux qui donnent chaque jour un bout d'eux-mêmes pour défendre les autres, pour rétablir l'ordre et la sécurité dans notre pays, que nos ancêtres ont mis des années à créer, des centaines d'années. Ils sont là avec leurs lances et leurs roues, pour arrêter les incendies, pour protéger nos familles, nos frères et nos sœurs. Big up les pompiers. Pardon, mais en fait, j'ai envie de tousser. J'avais fait une dédicace. Ouais, c'est gentil, frérot. Et Alexis, 26 ans, qui est le pompier de Nice, là. T'es sur Nice même, de la caserne de Nice? Là, je suis chez moi, mais sinon, oui, je suis sur Nice même. Oh putain. Je suis le caporal chef, exactement. Ah, t'es gradé? Ah ouais, putain. Et alors, toi, malheureusement, t'étais là le 14 juillet ou pas? Oui, pour une fois, j'ai perdu ma famille. Est-ce que c'est possible, Guillaume, que vous venez à Nice un jour? Oh, qu'on vous voit en live, en vrai de Nice, depuis Nice. Est-ce que c'est possible un jour? Quand le Sud, on était venu à Nice. Hein. Ouais, on est venu à la Fnac faire une rencontre et tout, c'était trop cool. Mais ouais, on va repasser avec plaisir. Ah, ça serait franchement trop cool que vous venez voir le pompier, que les pompiers vous fassent on fait un gros bisou. Les pompiers, en gros, merci. Eh ben, écoute, avec plaisir. Ouais. On pense à vous, les Niçois. Ah ouais. Ouais, bon courage. On s'est pas reparlé du coup, on n'était pas là, nous, on était le soir, on était à Toulouse. Ouais. On avait fait l'Energy Music Tour de Toulouse, et on avait animé l'événement, et 370 000 personnes, c'est une folie. Mais du coup, ça s'est passé le même soir et tout ça, donc voilà, on n'avait pas eu l'occasion de faire un vrai bisou aux Niçois en direct et tout. Dommage. Exactement. Eh ben, bon courage à toi, je t'embrasse, mon pote, et on t'envoie la PS4 demain matin, d'accord? Salut. Ok. Allez, gros bisous. Hey, t'as très bien géré, Emma, quand même. Ouais, t'es à l'aise. Non, ouais, vraiment. Tu veux faire une petite dédicace tranquillement, là? Ouais, j'aimerais bien. Et allez-y, attendez juste. Vous m'envoyez Guillaume et Julia avec votre numéro au 6-11-12 et vous venez poser une question sur la vie privée de Julia. Posez des questions très privées. On veut tout savoir. Ah ouais, mais moi je veux du truc sale. Ah ouais. Et le but, c'est qu'on la connaisse, donc c'est marrant. C'est vraiment Julia sous la France. La France dans Julia. Ouais, c'est ça. On t'écoute. La France sur le visage de Julia. C'est pour rigoler. Emma, tu veux faire une dédicace, pardon, excuse-moi, monsieur. Oui, j'aimerais faire une dédicace à ma meilleure amie Romane qui écoute, à Manon, à Grégory le fumeur de joint, à Anastasia, à Maria, à Sarah et à Mélissa. Et Guillaume? Oui. Non. Si, je rigole, vas-y, je t'écoute. Non. Et Guillaume, je voulais savoir, en fait, il y a mon petit frère de 10 ans qui est super fan de toi, il vous adore tous et il aimerait bien savoir s'il peut te parler. Non. On n'a pas le temps, désolé. Je parle plus aux frères, aux sœurs et tout, c'est fini. Ouais, c'est fini, plus de photos, plus rien. C'est le mec qui a donné un gros fils de tout. Mais évidemment, ma chérie, comment il s'appelle ton petit frère? Alors, il s'appelle Dalil et là, il est en train de pleurer parce qu'il t'aime trop. Ah, c'est trop mignon. Il t'aime trop en fait, là, il est en train de pleurer vraiment. C'est vrai, passe-le-moi. Il a qu'à poser une question à Julia aussi, s'il veut. Vas-y, passe-le-moi, je vais lui faire un bisou. Bonjour, Guillaume. Tu m'entends, Daniel? Oui, mais ça va, je t'entends. Ah, mais putain, vous avez quasiment la même voix. Ça va, mon Daniel? Ouais, ça va bien, toi? Ouais, ça va. Putain, attends, faut pas que tu pleures, au contraire. Bah tranquille, hein. T'es en quelle classe, toi, Daniel? Je passe en CM2. Ah, tu passes en CM2, là? C'est bien le CM2. Ah, c'est trop choupiné. Attends, mais toi, t'es encore 23h52. C'est les vacances, encore. Il est minuit, là, frère. C'est marrant. Ça me couche tôt. T'as dit quoi? C'est pas parce que j'ai 10 ans que je dois me coucher tôt, mec. Ouais, c'est vrai. Rien à voir. Pas parce que j'ai 10 ans que j'ai pas de meuf, j'ai pas marié. C'est pas de chien du tout. Parce que j'ai 10 ans, je t'emmerde pas. Oui. Ça fait 5 ans que t'es stagiaire quand c'est ce que tu fais. Ah, t'as vu? arrête par les punchlines. C'est un mec de CM1 qui reste. Qu'est-ce que je peux répondre ou pas? Merci mec. Mais putain, t'es énorme mon Daniel toi. Pourquoi tu m'agresses comme ça? T'es comment? Non, c'est Daniel, moi, pas Daniel. Pas Daniel. Daniel. Non, c'est ce que j'ai dit, Daniel. Ouais. Daniel, ouais. Comme un baril à Daniel. Comme Daryl de Walking Dead. Non, Daniel. Daniel avec un L. Ouais. Ah, Daniel. Daniel. Ouais. Oui, voilà. Je sais, c'est atypique. Non, bah, oh non, Daniel. Daniel, non, ouais. Dalil, Dalil. Ouais. Bah, salut à tous les Dalil. Mm. Ah, d'autres et tout. D'accord. Putain, j'adore. Moi, Daryl, c'est mon personnage. Ah, j'adore. Ah, oui, dans Walking Dead. Et Dalil. Oui, je sais, t'as fait une vidéo avec Walking Dead. D'ailleurs, elle est trop bien. Avec qui? Avec Walking Dead. Ouais, ouais, merci beaucoup. Avec les zombies. De Walking Dead dans Paris, ouais. Bon, t'as une gonzesse ou quoi, Dalil, là? En vrai, c'est moi. T'as des enfants? C'est quoi cette question? Il y a de la gonze. Tu peux, hein. Non, mais j'en sais rien. Une amoureuse? Parce que t'as 10 ans que tu ne bouges pas tard. Il fait le show comme ça. Tu joues à quoi? Tu joues un peu? Tu joues un peu? T'as des jeux que tu kiffes en ce moment, Dalil? Ouais, mais en fait, c'est. En fait, on a j'ai pas de PS4, enfin, on a pas ça. Enfin, on a juste. C'est un truc qu'on s'appelle une Freebox et il y a genre des échantillons de jeux, mais en ce moment, ça marche pas, donc c'est tout pourri. Ah, c'est sur la télé, c'est un peu comme. Ça rend fou, Free, non, mais je vois. Voilà. Ouais, carrément, carrément. Petite pub. Ah, ouais. Ah, t'aimes pas Free, James Jordan? Ah, chez mes parents, ça marche jamais. Ah, c'est vrai? À chaque fois que je descends, en plus, ça tombe en panne. Le premier jour, ça marche, le deuxième, ça marche plus. Ah, ouais. Ça rend fou, quoi. Et alors, attends, et donc tu joues un peu à la télé, ouais, t'as la petite manette et tout, Dalil? Bah ouais, c'est un joystick et même lui il marche plus. Oh putain, ah ouais. Tu rentres quand là en CM2 là? La rentrée c'est quand? Bah c'est jeudi moi. Jeudi, alors attends, ouais. C'est quoi, bouge pas, il y a juste 30 secondes de pub, on se retrouve juste après pour se dire, bougez pas, restez avec nous, allez. Quand vous pensez Justin Bieber, c'est Justin Bieber, ici c'est NLG. Pensez énergie. NLG, hit music on. Salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait déjà loup, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Sophie se prépare pour aller chez McDo, mais pour l'instant, elle est sur le balcon. Elle regarde le ciel. On voit bien les étoiles ce soir. On en voit plein! D'ailleurs, combien on en voit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, j'ai déjà compté celle-là, bon, je recommence. Bref, Sophie se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue, vu que pour l'instant, elle compte les étoiles dans le ciel. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Vous cherchez quoi en fait? Faire des rencontres. Un moyen simple et sympa de trouver de nouveaux amis. Faire des amis, pourquoi pas trouver l'amour? Accéder à des centaines de profils qui vous ressemblent en envoyant Célib au 63602. Le premier service chat SMS de France à votre service. Simplement en envoyant Célib, C-E-L-I-B au 63602. N'attendez plus, rejoignez-les vite. Envoyez Célib au 63602. Célib au 63602. 50 centimes plus prix du SMS, INRJ. La dernière fois qu'on vous a donné autant de plaisir pendant 2 heures, c'était... jamais. Du dimanche au jeudi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Il est où le bonheur? Allez, bonne nuit les mecs, 23h54, Guillaume Radio 2.0 sur Énergie, on passe les soirées tous ensemble comme chaque soir. Putain, t'es toujours là, Dalil, qui est en CM1, et le petit frère de Emma qui nous avait lâché l'énigme. Bah là, c'est Emma, là. Ah, c'est le retour d'Emma. Ah, ouais. La grande sœur. Très bien, ah, oui, ma chérie. C'est... Bon, et en tout cas, félicitations pour l'énigme. Il est parti, Dalil? Merci beaucoup. Non, il est toujours là. Ah. Bon, il est content d'avoir fait la petite dédicace aussi? Il est très très content, il est très très content. C'était vraiment, il voulait vraiment vous parler. Donc voilà, t'as fait un heureux ce soir, Guillaume. Merci beaucoup. Et ben, je suis très content. Et ben, tu les feras. Il y a un gros bisou de ma part aussi, de toute l'équipe. Et il est à côté, il t'envoie, il te fait un bisou aussi. Salut, mon Daniel. Un bisou beaucoup. Bisou à Guillaume. Et reste comme tel. Et Michel, elle est géniale et tout. On vous adore. Ah, merci, Daniel. Ça c'est un message rempli d'amour qui fait plaisir. Ouais. Gros. C'est super merci gentil. Merci beaucoup. Eh ben reste avec nous les loulous. Il reste 5 minutes. C'est quoi? Reste avec nous les copains. On va mettre des questions pour Julia à partir de maintenant. Vous pouvez y aller. Guillaume, un espace et vous envoyez Julia avec votre numéro de téléphone au 6 11 12. Alors depuis tout à l'heure le standard il est plein et là tout le monde m'a tout enlevé. Flo des Calos, pourquoi vous avez tout enlevé? C'est parce que tout le monde n'ose pas passer à l'antenne pour poser les questions en fait. Ah non. Mais non. C'est pas possible ça. Il y en a un milliard. Non, pas les timides. Non, entre nous là. Je pense que Flo des Cadeaux, pour vous dire la vérité, c'est la première fois qu'il prend le poste du standard en chef. Mito, là. Et je pense qu'il a fait une connerie parce que le standard a été rempli il y a 5 minutes. Il a tout supprimé. Exactement, et d'un coup. Alors maintenant, vous allez m'envoyer ceux qui veulent passer. Et si vous voulez m'envoyer votre numéro pour rien, les gars, ça m'intéresse pas. Alors vous m'envoyez votre numéro que si vous voulez passer. Voilà. Avec des bonnes questions. Guillaume, un espace, Julia, avec votre numéro de téléphone à l'intérieur. Et vous l'envoyez au 612. Flo des Cadeaux. Alors attends, j'ai une requête. Ouais. Il me reste 5 minutes d'émission. Ouais. On va poser des questions à Julia. Ouais. Mais puisqu'apparemment, t'es pas rapide sur le standard. C'est pas grave. On fait comme si on avait pas ça. On va les poser. Ouais. On fait comme ça. On va pas les poser. Nous, on va faire mieux. Tu vas mettre un hôtel ou deux, s'il te plaît, en bas du standard. Okay. Comme ça, le temps que tu prennes des. Julia prenne des questions. Non, c'est toi qui prends les questions. J'en sais rien, l'un ou l'autre. Vous me foutez des hôtels. Okay. Il y en a une déjà de questions. Ah, très bien. Alors, on prend la première question. Le temps que tu prennes un hôtel, s'il te plaît. Comme ça, toi, tu restes, Julia, avec nous à l'antenne. Et puis, Flo, il appelle. Ok, ça marche. Alors, bonsoir à toi, la question pour Julia. J'ai même pas ton prénom. Il me fout le numéro comme ça. Pas de respect. Est-ce que tu m'entends? Allô? Ouais, ça va, gros. Ça va et toi? Ça va ou quoi? Tranquille. Quel est ton prénom, toi, alors? Alors moi c'est Jean-Michel. Salut Jean-Mi. Salut, Jean-Mi de... Salut. Jean-Mi de où? Oh Jean-Mi un peu de partout, un peu de la Cambrousse, un peu de partout. Oula Jean-Mi va dire une connerie. Alors il est routier. T'es de quel... Un petit peu de routier, ouais, un petit peu. Ah c'est vrai, t'as quel âge Jean-Mi? Ah je suis à 41 ans là Guillaume. 41 ans, eh ben salut à toi mon Jean-Mi, merci beaucoup d'appeler. Merci. T'étais déjà passé avec nous ou jamais? Jamais, non. C'est vrai? Jamais. Bienvenue. Ça fait trop plaisir. Ah bah... Depuis quand à peu près? Oh, ça fait 3-4 ans au moins depuis le début, j'ai envie de dire. Oh, merci. Wow. Ça, c'est le genre de truc que tu danses. Ah, c'est putain, des... ça, ça, c'est vraiment la chanson, tout le monde danse dessus. Ah, ouais. Oh, bon alors Jean-Mi, ah, t'avais une question. Tu me fais des souvenirs là Guillaume. Ah ouais putain. T'avais une dans les mariages, t'as plus de musique. Ah bah ouais, tous les... Ah bah, ouais, ouais. Putain, I love you baby là, c'est le truc de base. Ah ouais, il y a eu du chopement là, c'est on a une nouvelle personne dans notre équipe qui s'appelle Julia. T'avais une question à lui poser Jean-Mi pour la connaître un petit peu mieux. Exactement, ouais. Bah alors moi concrètement, je me demandais si elle partageait l'amour avec quelqu'un, si elle était prise. Dans les deux sens. Calme-toi Julia, réponds sympathiquement et normalement Julia. Okay, alors est-ce que... Au standard, tu as quelqu'un dans ta vie. Ah non, mais dans le respect de la personne. Hein, bien sûr. D'accord. Ouais, non, on n'est pas dans le respect du tout de la personne, mais normalement. Est-ce que tu as ou pas une personne dans ta vie, Julia, qui est ton standard? J'ai effectivement, oui, une personne dans ma vie, Guillaume. Voilà, tu veux poser une question plus précise, JM? Vas-y, pose. JM, c'est moi ou JM du standard? Non, Jean-Mi. Jean-Michel. Vas-y, Jean-Mi. Bah concrètement moi j'ai envie de savoir niveau sexe elle en est où quoi tu vois simplement. Ah bah écoute Jean-Michel. Il est chaud Jean-Michel. Ah non mais moi je me casse pas que, non les moments de blues c'est mieux d'y aller directement. Bah bien sûr. Ah non mais là vous y allez vraiment seulement. À quelle fréquence tu te masturbes si tu n'es Juliette? C'est une bonne question. Ah. Bah oui c'est une bonne question. Alors oula alors l'autre. Attends, pose-toi les questions tout seul. Qu'on y Julia, la personne qui partage ta vie s'appelle comment? Ah je ne peux pas par contre. Ah le prénom? Bah ouais non c'est un peu. D'accord ok bon là. Quel âge? Elle a elle. C'est vrai, c'est elle. Ah oui. Tu l'as déjà dit. Oui, c'est vrai. 23 ans. 23 ans, très bien. 23 ans, c'est nana, on va pas dire son prénom parce qu'après sur Twitter c'est relou. Ouais. Non, les blagues, c'est vrai, c'est juste. Elle va se faire pister. C'est juste Elle a 23 ans, c'est combien de temps que t'es avec cette fille parce qu'elle est bisexuelle, Julia? Ouais, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ah, c'est voilà. Sérieux, quoi. Ah, ouais, c'est très sérieux. Ah, c'est sympathique tout ça. Bah ouais, sympa. Moi, y a rien qui m'excite plus que les billes, on est d'accord. Ça reste toujours aussi intéressant, Guillaume. Hein. Ah bah voilà. On est en plein dedans, là. Exactement. T'as une autre question par rapport à la bisexualité? Est-ce qu'elle est plutôt moumoute apparente, ticket métro ou Fabien Barthes? Ils sont cool les SMS qui arrivent. Est-ce que t'es plutôt moumoute apparente, ticket métro ou Fabien Barthes? Tu la poses vraiment la question? Non mais t'as rêvé. Non mais c'est une question. Alors non, Fabien Barthes. Plutôt rasé total. Ouais. Ah ouais. À quelle fréquence tu te touches environ? Signé Juliette, on va répondre quand même parce que les questions sont posées. Hein. Je vais dire 5 fois par semaine. As-tu kiffé tes vacances à Sainte-Maxime? J'ai pas été à 5 Maxime, voilà. Maxime finalement. Merci beaucoup. Ah, est-ce que t'avais dit j'étais en partie? Ouais, mais j'ai pas pu y aller en fait. Bonsoir à toi. Je voulais te demander pourquoi ton prénom, tu t'appelles Julia. Merci à toi pour cette question. Ah ben là, c'est marrant. Salut à toi qui fait ses vacances, Stéphanie. Est-ce que Stéphane t'as déjà fait de l'anal? Salut Guillaume, Julia aime les femmes et les. Julia aime les femmes et Julien stagiaire, les hommes, ils veulent pas inverser leur prénom. Non. Rien, c'est pas moi. As-tu mangé salut plutôt vaginal au God Saint Sûr, merci beaucoup pour ces questions magnifiques. Alors attendez, on va se faire un petit jeu des hôtels juste rapidement avant de terminer, puis ensuite on laisse à Mickaël. Je vais appeler un hôtel et on va. Je dois caler la phrase gros bâtard à la fin de chaque. L'hôtel des Pyrénées vous souhaite. Je dois le caler 7 fois moins 1h30. Hein. Hôtel des Pyrénées. Oui madame. Allô. Oui. Oui bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger. Je vous dérange pas j'espère. Allô. Oui, je vous écoute. Oui, excusez-moi de vous déranger, madame. Je me permets, je vous passe un petit coup de film. Enfin bon, est-ce qu'il y aurait des chambres d'hôtel de disponibles, gros bâtard? Pour quand? Alors, ça serait, je passerai la semaine prochaine. Normalement, je serai là mardi avec ma gonzesse, hein, gros bâtard. Là. Oui, non, mais bon, vous rappelez demain, monsieur. Hein, alors, attendez, parce qu'en fait, ouais, c'est que demain, gros bâtard, je suis en pleine explication de. Je fais un exposé sur le musée du beurre, en fait, qui ouvre ses portes à Montbéliard. Et puis, je pourrais pas donc faire une fondue à la fois. Arrêtez, on dit pas de madame, un petit peu de respect s'il vous plaît. Voilà, c'est pas vrai ça. Attends, on va en tenter un deuxième rapidement là. Ouais. Dalil. Dalil. C'est toujours Ima. Passe-moi Dalil vite, le frère de ses mains. Oui, Dalil. Attendez. Pardon. Pardon. Adieu, Access, Marc, Prado, bonsoir. Oui, monsieur. Oui. Oui, bonsoir monsieur, c'est pour réserver une chambre d'hôtel s'il vous plaît, gros bâtard. Pour deux. Comment? Non, je dis c'est pour réserver une chambre d'hôtel s'il vous plaît, monsieur, pour deux personnes, hein, gros bâtard. Allô? Non mais ah putain, il a pas aimé. Attends, juste, tu m'entends Dalil? Oui, je t'entends. Alors Dalil, tu veux faire un jeu des hôtels avec moi pour terminer? Bah oui, je veux bien. Alors t'es en CM, hein? Alors attends, j'ai gros bâtard, c'est. Non, c'est peut-être refaire avec. Juste gros alors, donc. Putain, alors attends, faut que je fasse quoi là? Ouais, attention, il a 10 ans quand même. Hein. Ouais, t'inquiète. Attends, je fais un truc facile. Dalil, tu réserves la chambre d'hôtel? Ok, tu dis bonjour, j'aimerais une chambre d'hôtel et tout, tu fais pour moi et ma femme et tout. Et à chaque fois que tu fais. Moi j'envoie un petit bruit derrière, d'accord, c'est mignon. Genre t'es aux toilettes quoi. Ok, Dalil. Ok, d'accord, pas de problème. Vas-y frérot, allez. CM1, il se lance devant un million de personnes quand même, hein. Quand même 80 fois le Stade de France. Mm-hmm. Donc t'arrives et tu pousses, d'accord. Bonjour monsieur, est-ce que vous me dérangez? À chaque fois que tu pousses, j'envoie un prout. Tu me le fais 4-5 fois, tu vois, dans le jeu, hein, d'accord. Ok. Faut qu'on ait l'impression que tu veux lui réserver une chambre quand même, hein, pas juste gazer. Mais allez, on y va. Le seul hôtel qui a fermé avant minuit. Puis après, on laisse à Mickaël. Pour terminer cette première émission de la rentrée. Eh oui. Allô? Hôtel Dragon Boris, bonsoir. Oui, bonjour monsieur. Je voudrais avoir prendre une réservation pour moi et ma femme, s'il vous plaît. Ah, il faudra rappeler demain, les réservations sont fermées ce soir. Ça commence à partir de 7h du matin. Ah, voilà. Bonne soirée. Allez, bien joué. Ça a foiré. Non, tu veux en faire un autre. Allez, vas-y, vraiment en 10 secondes parce qu'après il y a Mickaël. Okay, ah non, mais okay, dès d'accord. Le début, hein. Bonsoir, excusez-moi de manger. Tu pousses direct et tu pousses. Ok, d'accord. Allez, mon Dalil. Tu voudrais faire un plan à trois avec toi et ta copine Vincent du 70. Ah, bah il est malin. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur, je voudrais avoir une réservation pour moi et ma femme. Allô? Allô? Oui, allô, je voudrais avoir une réservation pour moi et ma femme. Non. Non, mais c'est complètement nul, mais c'était pour terminer, ouais. Mon Dalil. Je voulais te faire plaisir parce que je sais que t'aimes bien l'émission. Je te fais un gros bisou et ta soeur aussi, t'embrasse ta soeur, d'accord? D'accord. Allez. Bisous à tout le monde, à toute l'équipe. Vas-y, y'a pas de problème. Salut, salut mon Dalil. Ciao. Salut. Ciao. Allez, il est minuit 5, je vais avec Mickaël. À demain, GSSGR. À demain, Guillaume, salut. À demain, GM du soir. À demain, Guillaume, bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Flo des cadeaux. Ah, bonne nuit, Julien. Bonne nuit, Julia. Salut, bisous à tous. Au standard. Gros bisous. Il y aura d'autres questions parce qu'on n'a pas eu le temps de. Ah oui, ouais, Flo et Calo est un peu ripou. Hein. Ah ouais. Bon, allez, bah non, il était un peu pourri. Il a attendu qu'on ait besoin d'un mec pour l'appeler. Genre. Ouais, il y en a beaucoup. Demain, tu nous prépares ça bien. Avec plaisir. Attends, il faut que j'appuie sur un bouton, je me rappelle plus. Est-ce que tu m'entends, Mickaël? Bah oui, très bien. Putain, j'ai perdu tout le sens de la radio. Oh, mais ça va. Non, mais c'est vrai, il y a plein de petits détails comme ça que tu oublies, tu sais, ouais. les petits trucs. Comment s'est passé on l'été? On se rend pas compte, on est resté tout l'été, nous. Non, vous êtes parti. Ouais, une semaine, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est et deux vrai. Semaines, et deux semaines, juste. C'est vrai. Vous avez eu trois semaines de vacances comme nous, au final. Il est toujours bronzé, Michael. Bah oui. Vous avez eu deux semaines juste avant en juin et une semaine. Ah oui, en mai, oui, en mai. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. On est parti un petit peu avant. Tu vas pas nous faire. Non, non, du 1er au 15 juillet. Du 1er au 15 juillet, gros. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah bon? C'est un autre Michael. Non, ah merde. On est parti une semaine en juillet. Ah, je sais plus, merde. Donc, ah, vous... Ouais, très bien. Ouais, écoute, ouais, on a beaucoup travaillé en fait. On est resté un mois en développement. C'est vrai. On essaie de... C'est pour développer GM? Ah, réponds GM. Ouais, ouais, c'est... j'ai développé pour te coucher en fait. Si on commence comme ça, je sais pas, on va finir. Ah, ça va être bon. Ça va en fin de saison, à mon avis. Hein. Ouais, ah, écoute, on verra bien. Hein. Donc, ah, vous faites minuit, quelle heure alors du coup Minuit 4. Minuit 4, très bien. Voilà. Ok, et ben, la cool. Et ben vas-y, c'est reparti du coup. Bah, écoutez, bonne soirée, les mecs, qui fait bien. Bonne soirée, bonne nuit. Amusez-vous bien, on a même pas entendu Polo qui a parlé sur JM, on a un peu déçu. Ouais, ah, ouais, non, de l'équipe. C'est parce que non, mais j'ai pris des bonnes résolutions, je tape pas sur les handicapés. Arrêtez les gars, je ris. Non, en plus, il doit pas être bien avec l'OM qui a été vendu là, il doit pas être bien. Mais l'OM qui a gagné hier, avant-hier. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Attention, ouais. Quand même. Ouais, je connais bien tes quêtes. L'OM qui a été vendu en Américain, le patron des Dodgers. Ouais, c'est ça, ouais. Il paraît qu'il a coulé beaucoup d'oseille, c'est vrai. Positif. Il coule tous les clubs ou quoi? Patrick McCourt. Ah ouais. Bon, bah écoutez, on verra. Écoutez, bon, kiffez allez. Bien et puis à demain les bonnes. Ça roule. À demain, salut, à demain. Ciao, ciao, ciao les gars. Allez, on est en direct jusqu'à 4h. Bienvenue. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. C'est normal. C'est la rentrée. T'es pas bien. T'es pas heureux. Tu vas rentrer pour travailler. C'est comme ça, t'as pas le choix. Il y a le métro, les heures de pointe, les bouchons. Tu vas râler. Tu veux tout claquer. T'es fatigué. Fatigué. C'est normal. C'est la rentrée. Il y a l'école, les nouvelles têtes, te lever tôt. Il y a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Tu t'ennuies déjà. Normal, c'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps, c'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, y a Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Oh putain, encore un nouvel horaire. Comme si on n'avait pas eu assez pour l'instant. On a fait tous les horaires de la radio après. Hein. On a juste pas fait le morning encore. Ouais, c'est, bah non, c'est non, un non. peu violent. Le non, là, je peux pas. Là, c'est trop tôt le matin. C'est trop tôt le matin. Ouais. Bon, a priori, voilà, on devrait pas changer pendant l'année. Bon, sauf si on, à un moment ou à l'autre, on remplace Guillaume Moukou. Et bien sûr, enfin, globalement, ce sera de minuit à 4h. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On a nous retrouvé notre place la nuit, tranquillement, avec les frigos, avec les machines, avec les célèbres insultes entre ces deux. Comment on appelle ça? Ces deux. Pas dire c'est deux camions, mais c'est deux styles de routiers. C'est ça, deux styles, ouais. Voilà, on va dire ça comme ça. Et avec Polo, le grand sage, qui est là, bien évidemment, comme chaque soir, au taquet, en pleine forme. C'est vrai. Passe un bon week-end. Très bon week-end, j'ai été malade. Ah bon, mais qu'est-ce que tu sais pas. Bah. J'ai dû faire un truc qui pas très bien. Tu rigoles. Bah comment ça se fait Non, je sais pas, j'ai attrapé un petit virus. Froid, un petit virus. Et mais rassure-moi, il y a toujours le. Ah oui, quoi qu'il arrive, même si je suis même mort, je reviendrai d'outre-tombe. Je reviendrai de là où je suis, c'est-à-dire du paradis peut-être, ou du purgatoire. Ou et je viendrai vous dire, si vous voulez réussir dans la vie, pécho une meuf ou faire ce que vous voulez, n'hésitez pas. Mentez-leur, elles adorent qu'on leur mente. Voilà, et alors tu sais, ça, alors ça c'est drôle. Il y a une meuf qui m'a envoyé une photo cet après-midi. Mmh. Et elle m'a dit, comment tu me trouves? Et je dis, bah, je dis, ça va, mais après t'es habillé bizarrement. Donc là, elle me dit, ah mais donc t'es pas doué pour parler aux femmes. Et je dis, tu veux que je fasse quoi, que je te mente? Bah oui. Ben oui, les femmes adorent ça. J'ai pensé à Polo, j'ai oublié de te dire tout à l'heure. Oui, j'adore bon, ça. Bon, bah, alors très bien. Voilà. Donc encore une qui confirme la thèse de Polo. De toute façon, je dois le dire, je dois l'avouer, Polo a toujours raison. Évidemment, même quand il a tort. Et Amina n'est pas là pour le contredire. Absolument pas. Voilà, non, Amina mais... qui nous rejoint pour ceux qui nous ont pas écoutés pendant l'été, qui nous rejoint tous les soirs, enfin, toutes oui. les nuits plutôt. Hein, voilà, elle est là entre Toff et Polo. Oh, c'est Dieu. Ça. C'est pas angoissant. Qu'est-ce qu'elle est bien installée. C'est un peu oppressant, mais c'est un peu oppressant. Ouais, c'est pas vrai. Tu vas adorer. J'imagine. Évidemment. J'ai gardé le meilleur pour la fin. À l'aise. Et là également, Seba au standard, ça va? Non, allume le micro. Non, mais c'est pas possible. Tout va bien. Ah putain, ça y est, il est là. Donc c'est Seba, alias l'Espagnol, alias Alaise, alias le Parasite. Si vous voulez passer en direct, 01 40 71 5000, et numéro pour la Belgique en marche aussi. Si vous voulez passer en direct avec nous, si vous êtes en Belgique, faites le 02 703 007 1. Voilà, il y a LJ qui dit message à Polo, j'ai perdu ma meuf avec sa technique, je vais t'attaquer en justice. Mais c'est parce que tu sais pas l'utiliser, abruti. Peut-être. Il y a Jojo qui dit aussi, allez, il est l'heure de retrouver Mickaël. Salut Jojo, salut l'équipe, bonne rentrée à vous. Merci. La bise, c'est Filou le Bâché. Salut Filou le Bâché, salut tout le monde en tout cas. On va même saluer Marilyn qui est avec nous maintenant. Salut Marilyn. Salut. Comment tu vas Marilyn? Ça va. Ah bon, pourquoi t'as fait la fiesta tout le week-end? Ouh, la fiesta, l'aventure, oui. À l'aventure? Bah raconte, qu'est-ce qui s'est passé en deux mots, on en parlera plus en détail après. T'es parti boire un verre de rosé sur une terrasse, c'est ça l'aventure? C'est ça qui s'est passé. Un rosé piscine. Un rosé. Attends, ouais, la base. Le rosé piscine. Non, en deux mots, il s'est passé quoi, Marilyn? Bah en deux mots, j'ai rencontré quelqu'un sur Facebook, j'ai été le voir dans sa ville, il a voulu m'héberger et il a voulu plus. Je n'ai pas voulu et il m'a mis à la rue à 1h du matin à Liège. C'est une blague. Bon, attends, on en parle dans un instant, Marilyn. En plus, c'est bien parce que Amina pourra nous raconter son week-end également. Donc... on n'est pas obligé. Hein. Ah, si, c'est indispensable. Il paraît que c'était un grand moment. Un très grand moment. Je vous explique. Enfin, je vous explique. Elle vous expliquera ça voilà, en quelques minutes. Avec plaisir. Bon, reste avec nous, Marilyn, d'accord? D'accord. Bon, on va s'écouter Diro aussi tout à l'heure. Il y aura aussi le son de Lil Wayne, la BO de Suicide Squad, il y aura Alvaro Soler et puis on va démarrer la soirée tranquillement maintenant avec le son de Chainsmokers. Il y a juste Jeanne François qui dit c'est parti, fini le festival des blagues de cours de récré, on va pouvoir parler de vrais sujets, vous pouvez lâcher le Jackie. Ah oui, Jackie qui est évidemment des routiers les plus fidèles. Bon, allez, minuit 12, vous bougez pas de là, Chainsmokers maintenant, on revient juste après, c'est Mickaël sur Energy de minuit à 4h du mat cette rentrée. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song. That we beat to death in Tucson. Okay. Me. letters that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Bonsoir tout le monde, c'est Mickaël, on est sur Énergie de minuit à 4h du mat. On va s'écouter le son de Dioro dans un instant. Bougez pas de là. Nouvelle équipe, nouveaux horaires, nouveaux cadeaux, nouveau studio, nouveau casque, nouveau micro, nouveau standardiste, nouvelle photo. Mickaël, Tafolo et Amina sur Énergie de minuit à 4h. Que des nouveautés. Ah non. Tof a toujours une sale gueule et ça ne changera pas. Dommage. Vraiment dommage. Ouais, alors vous allez le croire ou pas, mais on a tout fait pour essayer de le faire changer. Hein. Merci. Franchement, vraiment. On l'avait même dit, vous savez, au mois d'octobre, on va faire l'émission à Los Angeles. Et ouais. On avait dit avec Polo, on s'était engagé, Amina n'était pas encore avec nous à l'époque, mais Seba s'était engagé au standard. Et on lui avait dit, écoute Tof, invite-nous à Los Angeles, tu payes le billet. Et on s'engage à te relooker ta tête de merde. Et non, mais vraiment, Los Angeles, c'est le pays du bistouri, tout ça, tu vois. Et ben, on s'est dit, on va le rhabiller, on va le relooker, quoi. Et ben bon, il a préféré encore une fois faire ses économies de merde là. Non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Alors on peut rien faire. C'est comme ça. Bah, je t'ai toujours pas changé d'avis, Tof. C'est toujours trop tard. Hein. Non, toujours. Tu veux pas qu'on te mette une vraie gueule? Non, ça va. Que aller. Tu puisses aller rivaliser avec les Brad Pitt ou George Clooney? On refait le nez. Je n'ai pas besoin de ça. Surtout pas le nez. C'est ma marque de fabrique. Enfin, quelle horreur. Fabrique de quoi? Bah, fabrique. D'endure, voilà. Fabrique de mort. Regardez cette espèce de chausson qui tire de nez. Quelle déchetterie, quand même. Bon, bien sûr. Tous vos messages. Où est-ce que je vais mettre mes doigts une fois que je pourrai plus les rentrer? C'est ça. Tous les messages avec le hashtag Mickaël. Si vous voulez qu'on lise vos messages, c'est sur le Twitter de l'émission. Venez nous rejoindre aussi sur Facebook, Twitter et donc Instagram. C'est M-I-K-L officiel. Et aussi, n'oubliez pas d'ailleurs, ce soir, je vous offre, enfin pas ce soir, mais ce soir, on a lancé le jeu et on vous l'offrira jeudi pour gagner la PS4. Et vous allez voir la magnifique photo, c'est Amina qui porte la console. Moi, je suis dessus. Et alors, il y a un quart d'une personne également. Quelqu'un qui a voulu s'accrocher sur la photo. La photo est sur le Facebook et vous pouvez donc jouer pour gagner la PS4. On tire au sort jeudi soir. Si vous voulez tenter votre chance, c'est un jeu gratuit. C'est sur M-I-K-L officiel sur le Facebook de l'émission. Il y a Roman qui dit bonne soirée. Salut Roman. Wesh la famille pour William. Salut à toi. Il y a Thomas qui dit c'est parti pour écouter les foufous du soir. Que tu es ringard, Thomas, les foufous du soir. Podcast non officiel qui dit ouais, le temps des vrais est revenu. Ah ouais, putain, on est content de revenir la nuit. Hein. Non, parce qu'il y en a plein qui se disent ouais, Mickaël et c'est l'équipe, ils veulent revenir plus tôt, ils veulent commencer à 20. Ah, surtout pas. Non, mais que les choses soient dites. Hein. Je veux dire, voilà, on a remplacé avec plaisir Koé et Guillaume. Voilà, ils sont partis en vacances, c'est cool, on s'est bien marré. Mais qu'est-ce qu'on est bien la nuit? Oh, mais non, oui. Mais vraiment quoi, putain, on est là tranquillement. Marine, on est bien la nuit ou pas là? On est tranquille. Hein, personne pour nous faire chier. T'es là, Marine? Oui. Voilà, la nuit on est bien, personne pour nous emmerder. Tu fais quoi dans la vie, Marlene, toi d'ailleurs? Je suis modèle photo, modèle artiste. Ah, parfait. Combien mesures-tu, Marlene? Oui, très bien. Fallait commencer par là. Attends, oui, mais alors combien mesures-tu? Alors combien mesures-tu, Marlene? Je suis toute petite. C'est pas grave. 1m52. Très bien. Parfait. Quel est ton poids? 37 kilos. Hein? Il faut manger maintenant, Marlene. Non, c'est un modèle. Bah, tu me diras, 1m52. Enfin, c'est très très maigre, Marilyn. Faut parfait, vraiment bouffer. C'est parfait, c'est parfait. Alors, quel est ton tour de poitrine? Ça va, je suis bien. Je la bourre, moi, comme ça. Quel est ton tour de poitrine? Oh, t'es vraiment un crado. Ah, bah, il est passé minuit, hein, Mina. Ouais, ouais, Alors, non, mais tu vois, c'est. Non, mais mon cœur va lâcher, moi. L'enfer va s'abattre sur toi, là. Bon, une seconde, je fais mes courses. Alors, baisse d'un ton, toi. Alors, combien. Quel est ton tour de poitrine? Oh, 60C. Ah, putain, c'est quoi ce bordel? 70, oui, 70C. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Ça paraît bizarre quand même. 32-34. Oh là là. Mais il faut vraiment manger maintenant. Hein. Oh là là. Bon, les mannequins après, les mannequins, pourquoi pas. Je charge immédiatement l'autolib et j'arrive. Ouais, c'est bonne, ça, ouais. Bonne. Elle est bonne. On te fait chier, t'as Bruxelles en même temps.